sur Énergie. En live, de minuit à 4h, toute la semaine. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L, officiel. Exactement, voilà, on est de retour. Plus de pub maintenant jusqu'à la fin de l'émission. Ah, et ben voilà. Ça, c'est le retour au vrai. À la vraie vie. On est tranquille maintenant. Ouais. Bon, Yatoff, évidemment, comme d'habitude, comme le dit Jingle avec sa sale gueule, hein, ça n'a pas changé pendant l'été, malheureusement. Polo également, il y a Amina qui nous a rejoint cette année, et puis on a Seba, dit l'Espagnol, dit le Parasite, dit Alaise, qui décroche au 01 40 71 5000. Vous pouvez nous appeler, évidemment. Si vous êtes en Belgique, faites le 02 703 007 1. Et il y a Cindy qui dit, ça fait un moment que j'ai pas écouté Mickaël, et c'est toujours un plaisir de les entendre. C'est gentil, Cindy. Gros bisous à toi sur Twitter. Morgane qui dit, et moi, tu lis mon tweet aussi, Mickaël. Bisous à Amina, Morgane de Bordeaux. Bisous. Évidemment, Morgane. Et puis, Im qui dit, ah non, c'est Caro, pardon, qui dit, enfin le retour, j'avais hâte. Merci de combler mes insomnies. Bah écoute, avec grand plaisir. On va récupérer Marilyn, voilà, de Bruxelles. Donc, on n'est pas entendu toute ton histoire parce qu'on s'est fait interrompre par Toff. Hein. Comme d'habitude, je suis désolé. Voilà, comme d'habitude, j'ai c'est envie de dire. C'est toujours sa faute. Mais c'est toujours sa faute. Bon. Marilyn, alors, nous en étions où? Donc, tu nous disais que tu avais été voir un mec jusque Liège. Il faut savoir qu'entre Bruxelles et Liège, il y a quoi, 120 bornes? Ouais, 120, ouais. 120, ouais, Toff connaît par cœur, évidemment, le nombre de fois où il a fait l'aller-retour. C'est jusqu'à Verviers, c'est plus loin. C'est encore pire. Bon, et donc, du coup, tu as été voir un mec à Liège, et quand il est arrivé là, il s'est passé quoi? Déjà, tu l'avais rencontré où, le gars? Ben, je l'avais rencontré sur Facebook. D'accord. J'avais reçu un POC, je savais pas du tout ce que c'était, et puis on m'a dit ce que c'était, ouais. Un POC. Et donc on s'est rajouté, on s'est parlé pendant une semaine. Et d'accord. Vu que j'avais un shoot près de Liège, un shooting photo, ouais, un shooting, oui, un shoot, hein, pas un verre, hein. Ouais, c'est pas un shoot de vodka, quoi. Genre on en a profité pour se voir, pour aller boire un verre et faire connaissance. Et dis-moi, tu veux pas que je te fasse un shoot moi aussi? Ah. Ah, et donc on a rigolé, c'est gagné. C'est vrai, c'est Fikiri, Fioli, n'est-ce pas, Amina? Oui, enfin ça dépend. Ah ouais, hein. C'est bon. Logique, direct. Vas-y, vas-y, envoie. Attends, c'est la Nadège qui dit ça. Voilà, Fikiri, Fioli. Ouais, ouais. Envoie un mail à polo@energie.com, on va se voir, je vais venir moi. Ouais, c'est ça. Envoyez surtout les photos de vos mecs nus avec un sexe bien turgescent. Hein, il adore. Bon, Marilyn, donc vas-y, donc continue. T'as été jusqu'à Liège, vous avez discuté ensemble pendant une semaine avant, et puis. Et puis, il savait que j'arrivais à une certaine heure, mais il arrive avec une heure de retard. Toujours arrivé en retard. On ne sait pas pourquoi. Ouais, bah c'est tough à mon avis. Hein. Je sais pas, j'étais toujours avec ma arrivé en retard. J'étais avec ma valise de shoot et il voulait absolument aller boire un verre à la fête Martini qu'il y avait à Liège ce week-end. D'accord. Sur la place. Du coup, avec la valise, je ne pouvais pas rentrer, donc on a mis la valise dans sa voiture. Tu ne savais pas rentrer? Avec ouais, enfin, sa valise, non. Bah ah, non, t'arrivais pas à rentrer, d'accord. Bah non, c'était trop gros. Ouais. Donc moi, je rentrais, mais pas ma valise. Donc, on ouais, elle restait coincée derrière, on a compris. Et puis? Et puis la soirée se passe, mais j'avais un train à reprendre pour Bruxelles. D'accord, ouais. Oui. Le problème, et avec tout ça, t'avais toujours pas fait ton shoot? Si, je l'ai pas avant. Mais t'écoutes rien de ce qu'on dit, toi. Bah non, c'est non, j'étais au standard, il faut bien aider. Aider, c'est pas, évidemment. Bon, et donc, vas-y, continue, ouais. Donc, 20 minutes avant que j'ai mon train, je lui propose de partir pour prendre ma valise à la voiture et aller chercher mon train. D'accord. Entre-temps, il s'est fait aborder par une fille, il a parlé avec la fille. Moi, je l'ai attendu dehors, du coup, j'ai raté mon train. D'accord, ouais. Enfin, en même temps, t'aurais pu dire, écoute, mec, t'es gentil, mais je vais pas rater mon train, quoi. Si t'es pas là, oui, t'es Marilyn, voyons. Ah oui, mais sauf que si ma valise est dans sa voiture, je fais comment s'il a les clés? Mais bah, tu fais un scandale. Bah oui, tu casses un carreau, tu prends un talon et tu casses une vitre. Bah tu préviens les flics, évidemment. La base. Ouais, ça se finit direct chez les flics. Hein. Calme. Bon, et du puis coup, bah, il m'a proposé de dormir chez lui. Bah voyons. Évidemment, ouais, c'est le truc pas du tout fait exprès, quoi. Et puis, j'aurais pas fait mieux. Ouais, c'est ça. Mais bon, j'ai bien mis mes conditions avant en disant que je ne voulais rien de plus et que je préférais apprendre à le connaître que juste l'embrasser peut-être, mais rien de plus. D'accord. Même pas, ouais, mais, même Marilyn, pas te plains pas, mais tu lui as ouvert des portes, c'est monstrueux. Enfin là, c'est plus des portes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire. Mais non, c'est des regards. Mais si, non, mais Marilyn, un mec, tout ce que tu as fait là, ça veut dire, vas-y, c'est des panneaux, vas-y. Non, c'est un guet-apens. Il a kidnappé la valise. C'est un guet-apens, mais elle est tombée dedans. Ah Marilyn, oui, mais quoi, parce que pour le même prix, elle lui faisait un scandale, lui, tu me ramènes à Bruxelles. C'est ça, mais oui, mais t'aurais pu faire ça. Ah oui, en plus, attends. J'appelle les flics. Bon, et puis, c'est pas ça, quoi, alors. Ça se finit au poste direct. Mais donc, on a été jusque chez lui. Mais c'était à 20 km de Liège, c'était sur Anu. D'accord, Anu. Ah bah oui, mais forcément ça aussi. C'est, non, c'est une ville, c'est pas Anu. Si, si tu te mets Anu, alors bon, forcément. Non, il y a des villes en Belgique qui ont un nom un peu particulier, faut bien le dire. Tu me diras en France aussi, mais Anu, hein, c'est quand même pas mal, quoi. Bon, bref. Et puis alors ? Et donc à ce moment-là, il y a eu la tempête d'or parce qu'il y a eu une petite tempête samedi. Ouais. Comme ça, privé. Était... Tempête privée. Ah, c'est vrai, c'est tombé grave sa mère. Ah ouais, violent. Ouais. T'organises jamais les tempêtes privées ? Non, non, ça m'arrive. Bon, et puis ? Le temps de sortir de la voiture, on était trempés. Du coup, moi, je suis montée, j'ai enlevé mon short et mon t-shirt. J'étais en soutien. Ah bah ouais, mais t'es obligée de. Quand je te dis que c'est pas des portes, c'est des aérogares que t'as ouvert. C'est-à-dire que l'autre, en fait, il n'y avait pas une tempête, il a sorti le tuyau de rose. Oh putain, il pleut là. Oh là là. Regarde, on a un putain de nuage au-dessus de notre gueule là. Oh là là. Et puis alors donc, bah, lui aussi, il était mouillé, donc du coup, il s'est retrouvé en caleçon. Voilà. Il avait un braquemar de dingue, enfin bref. Je lui ai demandé un t-shirt, mais j'ai même pas eu le temps d'avoir mon t-shirt qui s'est jeté sur moi. Sans blague. Ouais, mais après, donc, t'es à poil, c'est vrai. Bah, elle n'est pas attrapée la grippe. Mais non, j'étais pas à poil. Mais il voulait te réchauffer, il voulait partager sa chaleur. Excuse-moi, Marilyn, après, une fille qui n'est pas à poil, mais qui est en sous-vêtements, je pense que c'est encore plus attirant. Tu vois, moi, personnellement, je préfère avoir une fille en sous-vêtements que nue. Oui, et puis il faut voir ce que t'avais mis comme sous-vêtements aussi. Oui, c'est ça, t'avais mis quoi comme sous-vêtements ? Bah, j'étais un peu bronzé, il était noir avec en dentelle avec avec le petit logo Victoria's Secret rose fluo au milieu. Ça a une importance parce que franchement moi le évidemment ce que c'est un choc, c'est que j'ai même pas eu le temps d'avoir mon t-shirt. Parce que entre petit bateau et des trucs en dentelle, il y a une marge hein. Ouais, mais c'est ça, t'avais quoi ? Ouais, une culotte en dentelle et un soutien normal. Ah ouais, je comprends, ouais. Ouais. Bon, et alors il s'est passé quoi du coup ? Bah du coup, je lui ai fait comprendre que non, je ne voulais pas. Ouais. Que y a non, tu l'as dit comme ça. Non, je ne voulais pas, je ne veux pas. Ah non, j'ai dit non, on peut apprendre à se connaître et tout, parce qu'il me plaisait, c'était pas le problème, mais je voulais pas coucher avec lui dès le premier soir. Ah, le deuxième soir, c'est mieux. Ouais, deuxième. Non, le troisième, quatrième, voire cinquième. Ah, mais tu t'étais pas contre, tu t'aurais pu y aller. Pas tu suite, faisais quoi. Juste ta chiante pour pas coucher ce soir-là. Elle, c'est pas une voilà. pute, hein. Elle a raison. En gros, c'est ça. T'es relou, c'est ça. Donc, bah, il l'a très mal pris, il a pété un plomb, il m'a dit, bah, rhabille-toi, tu sors de chez moi, tu dégages. C'est une blague. Et ça donc, t'as dû remettre tes fringues toutes mouillées, putain, quel connard. Ça sent qu'il était 1h du matin, que j'étais à nu, que j'avais pas de voiture. Que t'étais à nu, ah, donc t'as même pas pu remettre enfin, tes fringues. T'étais nu aussi, mais bon, bref. T'étais nu à nu. J'étais nu. Non, j'étais en sous-vêtements, déjà, à nu. Dis-moi, Marine, tu peux pas nous m'envoyer une photo à Polo ? J'aimerais bien voir, parce que P-O-L-O est énergie bonne. Oh. J'aimerais bien voir à quoi tu ressembles avec la dentelle, tout ça. Pour des raisons scientifiques. Hein. Exactement. Oui, oui. Merci, Amina. Avec la dentelle ? Avec la dentelle. La dentelle sur tes fesses ? Bien sûr, tout est scientifique. Bon, Marine, reste avec nous deux secondes. Dites-nous si vous avez déjà eu un coup dans le même style. Alors, vous avez eu rendez-vous avec un mec ou une meuf, et ça s'est pas du tout passé comme vous le vouliez. Ouais. Et vous avez fini, genre, comme Marilyn, foutu dehors. Et on a même Amina dans un instant au standard qui nous appelle. Oui, allô, c'est Amina. Qui nous appelle. Oui, bonjour Amina. Oui, j'étais à nu. Alors Amina de Paris. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ma vie est une merde. Tu as une histoire à nous raconter à base d'un week-end foireux. Voilà. Tiens, parfait. Ben, ne bouge pas de là, Amina. Ça marche. Amina de Paris, on va récupérer Amina dans un instant. Vous bougez pas de là. Marilyn également. Rebecca aussi de Paris. Dans quelques secondes, malheureusement, mon standard bug, je ne peux pas prendre Rebecca. C'est pas grave. Il y a Sweet Game aussi. Salut Sweet Game. Ouais. Tu dois pas faire ta grosse voix, Sweet Game, hein. T'es pas dans le polo show ici, hein. T'inquiète. Hein. Ouais, ça va ou quoi ? Je fais pas ma grosse voix, j'attrape un rhume. Oh, genre, ça pour avoir une grosse voix. Oh putain, je te jure, le mec il a dû se mettre avec la gueule devant la clim. Exprès. Pour avoir une grosse voix. Bon, Sweet Game, 14 ans, qu'est-ce qui t'amène ? Ouais, ce sera pour passer un hashtag. Bah, place-le, quel hashtag ? Quand tu sais que les vacances sont bientôt finies. Et que c'est la rentrée. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Mais t'as pas où je s'en fous ? Nous, les vacances sont déjà finies, c'est déjà la rentrée, on est content d'y être. Tu vois ? Bon, bouge pas, Sweet Game. On va s'écouter Diro maintenant, et puis on va se faire les appels mal intentionnés aussi avec Tof dans un instant. On va récupérer Marilyn et Rebecca juste après, il est minuit 34. On est au cœur de la nuit sans pub. Ah ! Ma phrase légendaire que j'ai sortie au moins un milliard de fois l'année dernière va pouvoir revenir au cœur de la nuit sans pub. Donc on écoute le son de Diro maintenant sur Énergie. Bonne nuit. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito. despacito, mami, yo sé que te va a encantar, mueve, dale, mami. Au cœur de la nuit sans pub, il y a Lil Wayne dans un instant, Alvaro Soler, et on se fait les appels mal intentionnés avec Toff qui va se faire insulter avec grand plaisir. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Bah oui, on est là forcément de minuit à 4h pendant toutes les nuits, toute l'année. On est au taquet avec tous vos messages qui arrivent en direct. Vous envoyez Mickaël espace votre message au 6-11-12. Laissez votre numéro si vous voulez passer en direct à l'antenne. C'est le même numéro pour la France et pour la Belgique, hein, 6-11-12. Vous envoyez ça, on lit vos messages en direct. Il y a Jeanne Françoise aussi qui disait Sweet Game, les caractères sont limités, tu as vu la longueur de ton hashtag. Ouais, Sweet Game, tu te fous de notre gueule ou quoi là? De quoi? Pourquoi tu mettrais pas le hashtag je ne veux plus entendre Sweet Game dans le polo show, je souhaiterais qu'il repasse uniquement le vendredi à partir de 14h. Merci cordialement. C'est bien ça comme hashtag, non? C'est pas mal. Hein? Je vais y réfléchir. Ah bah réfléchis alors, bah réfléchis pauvre con. Non, je rigole. Je me suis mis dans la peau de polo là pendant un instant. Ouais, c'était pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais. Au cas où il est malade, je pourrais faire le polo show. Il est malade. Ouais, c'est vrai. Il souffre pour le faire. Mais polo, t'es un guerrier. Bon, en parlant de guerrier, on va se faire les appels mal intentionnés maintenant. Avec hier était une grande journée internationale, la journée internationale du topless. Ah. Attends, mais c'est une super journée. Tu rigoles ou quoi? C'est la journée que tout le monde attend. C'est interdit, mais bon, dans la rue, t'as pas le droit. Non, mais on parle pas dans la rue. Voyons, Mina. Oh, qu'est-ce qui est chiant alors? Ça dépend, à New York, c'est autorisé. À New York, c'est autorisé. D'ailleurs, vive New York. Oui. C'est pour ça que j'y vais le plus régulièrement possible. Je n'ai jamais vu de femme topless, malheureusement, à New York. T'en as, qui se peigne là. Ouais, je n'ai jamais vu, j'ai pas dit que ça n'existait pas. Mais non, mais si tu... Pour moi, topless, c'est rien, pas en peinture. Oui, en peinture. Non, mais t'en as parfois sur Broadway, sur. Sur Times Square. Pourtant, je fais des allers-retours, hein, mais. Ouais, c'est marrant, toi. J'y vais à pied en plus, hein, pour être sûr de rien rater. Mais non, non, j'ai jamais vu, c'est bizarre. Bon, ouais. Bon, bref, donc du coup, c'est la journée internationale du topless. Et bah, Tof, tu vas voir avec tes amis s'ils le pratiquent. Bah oui, allons-y. Voilà, Amina, tu pratiques ou pas le topless? Absolument pas, non. Jamais. Jamais. Même jamais. Sur une. Même si t'es chez toi à la maison, genre, tu te dis, tiens, il y a du soleil, t'as une terrasse où il n'y a pas de vis-à-vis, tu te mets pas. Si, si, si, chez moi, je m'en fous, il n'y a pas de problème. Mais attends, en public, ça va. Quoi, jamais à la plage Non, non, non, non, non. T'insistes, t'as dit non? Bah non, ça rend triste les amateurs d'art, évidemment. Bon, bah mais oui. Bon. Évidemment, évidemment. Bon, on y va grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Tof, c'est toph@energie.com. On va donc appeler ces gens-là et puis on va vérifier, hein. Allons-y. Vérifier si effectivement ils pratiquent ou pas le topless. Allez, on y va, premier appel. Ah oui, on doit rappeler Tartman. Oui. Allez, c'est Tartman qu'on appelle maintenant. Bah, bien sûr. Parfait. Ah, bon petit Tartman. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir, je vous appelle parce que je voulais savoir s'il arrive à votre femme de bronzer topless, monsieur. Comment? Est-ce que parfois votre femme, elle bronze les seins à l'air? Tu es un bâtard. Mais franchement, c'est un cache-pied. Mais non, je vous casse pas les couilles, monsieur. Je veux juste savoir si votre femme, parfois, elle va bronzer et elle monte ses seins, quoi. Mais tu es un pédé, toi. Tu es un pédé. Oh non, monsieur, n'en dites pas ça, c'est homophobe, monsieur. Nique ta race, fils de pute, je te rattrape, je vais te niquer. Mais tu es un bâtard, c'est toi qui m'as réveillé la dernière fois. Tu es un bâtard. Mais oui. L'enculé de ta race, fils de pute. Non, dites pas des choses comme ça, monsieur, c'est très violent. Tu es un enculé, toi. Non, monsieur, non, je peux pas vous laisser dire ça. Tu fais rien de tout dans la vie. Et t'as rien à faire. T'as rien à faire dans ta journée pour me casser les couilles. Mais oui, je suis chômeur, monsieur, je vous l'ai déjà dit. Putain, mais chômeur, je t'ai proposé de venir travailler, tu veux pas venir travailler, fils de pute. Non, mais je veux bien que vous fassiez ma tarte pour mon anniversaire. Je vais te faire une tarte, t'inquiète pas, donne-moi ton adresse, ton vrai adresse, tu ramènes une tarte avec plein de buts dedans. Tu auras après des buts dedans avec une crème anglaise, avec tout ce que tu veux. Bah oui, d'accord, pardon. Mais bah, alors mon adresse c'est 22... Rue Boileau. Boileau, pas Boileau, c'est forcément. Ouais, Boileau, comme le poète, comme tu dis, ouais. Voilà, c'est ça. J'étais là-bas la dernière fois. Non, je t'habite pas là-bas, c'est un truc de journaliste, je sais pas quoi comme truc là-bas. Mais pas du tout, monsieur. Mais pas du tout, c'est chez moi. Mais je me permettrai pas, monsieur, arrêtez de dire ça, c'est pas gentil. Mais c'est toi qui n'es pas gentil, tu fais des trucs comme un PD. Mais non, arrêtez de dire PD, monsieur, c'est homophobe. Ça se dit pas. Non, ça se dit pas. Non, arrêtez. Non, faut arrêter de dire ça, monsieur. Apparemment, tu es fier d'être pédé, fils de pute. Mais pas du tout, monsieur. Oh, arrêtez de dire ça, monsieur. C'est vraiment ça se fait pas. Je te jure, si je te rattrape, toi et le pédé qu'il est à côté de toi, je vous nique les deux. Je vous saute de mes yeux. Mais je suis tout seul, monsieur. Je suis tout seul dans ma chambre. Non. Je sais que tu sais, t'habites avec la putain de ta mère qui travaille au bois de Boulogne, ou dans les bois d'échanger ça à côté de toi, dans le 16e, tu prends pour un con, quoi. Mais non, oh non, j'oserais pas, vraiment, parce que moi j'ai l'impression que vous êtes un mec vraiment sympa et tout, c'est pour ça que j'aime bien vous appeler. Ouais, je sais, t'aimes bien m'appeler, me casser les couilles. Écoute, arrête de m'appeler, arrête de me casser les couilles, sinon je te rattrape. De toute façon, je vais te rattraper un jour. D'une manière ou d'une autre, je vais te retrouver. D'accord? Bah oui, je vais vous donner l'adresse, vous avez qu'à passer. Mais je suis pas chez moi, fils de pute, je suis pas chez moi trop bon 4 fois cet été. Bah oui, y a mais. Y a pas de maison. Fallait sonner. C'est un truc de la radio, je sais pas quoi. Fallait sonner, moi je serais descendu, je vous aurais fait un petit café, des petits biscuits. Si, j'ai mis pas ton numéro de téléphone. Bah si, alors je vous le donne 01. Attends, une minute. 01. 40. Attends, 01. 40. J'arrive même pas à la. C'est quoi? 71. Vas-y. 60. 71, 71. Écoute. 50, 00. Oui, c'est bon. 00. Voilà, c'est ça. Je vais taper cette semaine. D'accord. Eh bien, on fait comme ça alors. Je vais taper, je vais venir, je vais te niquer. D'accord. Eh bien, je vous attends avec impatience. Je vais te niquer, fils de pute, notre bâtard. Va te faire enculer, tu m'appelles plus, bâtard. Va D'accord. te faire enculer. Allez, je vous embrasse fort. Enculé. Ah, il a raccroché, c'est dommage. Bon, on va le rappeler. Ah bah oui, on est obligé là. En plus, maintenant, il a bien pris le, il a mémorisé. Hein, on est témoin, il a mémorisé le numéro de téléphone. Et c'est vrai qu'il nous a rappelé. Il avait proposé du travail à Tof. Exactement. Il aime bien Tartman. C'est vrai. On rappelle. Allez. Allez. Va te faire enculer, arrête de m'appeler, laisse-moi tranquille. Mais c'est parce qu'on n'avait pas le temps de se faire des poutous, de se souhaiter une bonne soirée, ça avait coupé un peu vite. Vas-y, on va faire des poutous, nique ta mère, fils de pute, je fais pas des poutous avec des PD. D'accord, allez, on s'embrasse fort. On se souhaite une bonne nuit. Bon, les fesses, fils de pute, je vais t'embrasser dans ton cul, fils de pute. Allez, bye bye bye. Allez, bisous. Dans ton cul, je vais t'embrasser. Bisous, fils de pute, bisous, bye bye. Laisse-moi tranquille. Nique ta race. Allez, une bonne nuit, monsieur. Hein. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Nique ta mère, je dors pas, je vais aller travailler. C'est bon courage qu'on dit pour des gens qui travaillent, qui sont sérieux dans leur vie, qui payent les impôts. Je sais pas comment, bâtard comme toi. Tu fais rien et tu reçois le Rémi 450, je sais pas quoi, fils de pute. Enfoiré de ta race. Il n'y a que des PD comme toi. Et je sais que tu n'habites pas le 16e. Les gens de 16e, ils travaillent. Soit ils travaillent, soit ils sont milliardaires de 1000 francs. D'accord. Allez, je vous embrasse fort et puis on se tient au courant. On se tient au courant, fils de pute. Bisous, bye bye. Allez, bisous. Tu es content? Oui. Allez, bisous. À bientôt, hein, j'attends que vous m'appeliez. Ok, bah, je t'appelle pas, c'est sûr. Je t'appelle pas. Je vais pas me casser les couilles pour appeler un PD. Allez, fils de pute, bye bye, au revoir. Allez, bisous. Hein. Bisous, bye. Eh ben voilà notre ami Tartman. Il a un bon fond, Tartman. Il a un bon fond, c'est vrai qu'il veut toujours aider Toff et ça lui fait quand même plaisir. C'est vrai qu'il essaye toujours de me sortir de tout ça. Et donc pour info, pour la petite histoire, l'année dernière on l'avait déjà appelé et on l'a surnommé Tartman, bon on connaît pas son nom, hein, parce qu'en fait il fait des tartes et Toff l'avait fait chier l'année dernière et il avait cramé ses tartes. Et il a voulu tuer Toff parce qu'il avait cramé ses tartes. En fait il est, je crois qu'il doit vraiment être pâtissier j'imagine. Non, c'est un traiteur. C'est un traiteur, voilà, donc, c'est ça. Il fait plein de trucs et là il fait des tartes et il dit ses connards, ses collègues, ils savent même pas faire les tartes. Ah oui, voilà. Ils ont laissé les tartes brûler. À cause de tout ce connard de Toff. Il est obligé de rester plus longtemps pour le finir. Voilà, d'où Tartman, voilà. Bon, on le rappellera du coup, alors c'est prévu demain ou... Oh, on va le laisser quand même demain. Non, c'est pour savoir. D'ici la fin de la semaine, je le rappelle. Bon, d'accord, ok, très bien. Eh ben, on fait comme ça alors. Message qui est arrivé aussi. Pourquoi Mina chez toi maintenant? Parce que. Voilà, je pense que la réponse est simple. Ouais. Simple, précis, efficace. Efficace, voilà. Il y a, non mais voilà, elle est là, profite au lieu de ça. Pourquoi vous voulez tout savoir? C'est comme si tu vas acheter une caisse, tu vas acheter une voiture d'occasion. Oui, je voudrais acheter la BM là. Oui. Pourquoi les noirs? Attends, tu me compares à une voiture d'occasion? Ah oui. Ouais, t'es un peu une seconde main quand même. Plus qu'une seconde main. Dégueulasse. Mais non, mais pourquoi les noirs? Parce que, enfin, tu vois, c'est quoi cette question? Il n'y a pas de réponse à cette question. Bah oui. Sébastien qui dit putain, trop content de vous retrouver. C'est gentil, Seb. On est content d'être de retour aussi la nuit. Trop bon la nuit avec vous. Et Alain aussi qui dit oh merde, c'est la rentrée dans quelques jours. Je ne pourrai plus vous écouter si tard. Sinon, ravi de vous entendre à nouveau. Ah, c'est gentil, Anna. Mais t'inquiète pas. Il y a Seba alias l'Espagnol alias le Parasite alias Allez. Oh. Le hashtag Allez standard. Ouais, c'est lui qui s'occupe des podcasts. Et okay. il a promis sur la tête de sa rhum. J'ai promis. Que tout est en live pour le morning. Pour demain matin 6h quand Manu démarre. Je promets sur ma boîte de protéines. Voilà. Je te jure. Il a juré sur la boîte. Entre deux biceps là, je vais faire. T'inquiète. Bon, c'est pas au standard, c'est en ligne. C'est tout une émission là. À 5h30, elle est en ligne. Et ben parfait. Et ben Toff, tu sais quoi, Toff est capable de rester debout à 5h30 juste pour voir si c'est disponible. Et si c'est pas en ligne, tu t'engages à quoi? Je paye le business à Toff pour Los Angeles. Le business. Ah là, tu le mets en classe business, en business class. Parfait. Ouais. Eh bien parfait, je serai réveillé à 5h30. À 5h30. Ah, je peux t'assurer qu'à 5h31, je serai refresh. Si c'est pas dessus, je fais une photo. C'est pas de ma faute. Ah putain, ouais. Ah, non, t'as pas dit que c'était ta photo ou pas, t'as dit que tu mettrais en ligne. Si c'est pas en ligne, c'est pas en ligne, tu te démerdes. Bon, Lil Wayne, on écoute ça tout de suite. Et juste après, on revient avec Marilyn, Rebecca, Jean-Claude également, Sweet Game et son hashtag, hein. Parce qu'il veut faire avec ça, mais bon, minuit 48, ou que je suis au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël sur énergie de minuit à 4h et on va se faire aussi, putain, je vais y arriver. Le chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez participer, 0140 71 5000. Et on écoute Lil Wayne maintenant. I talk to you, take my hand through the flame. I talk to you, I'm a slave to your game. I'm just a sucker for pain. I wanna chain you up. I wanna tie you down. Sucker for pain, I got the squad tatted on me from my neck to my ankles. Pressure from the man, got us all in rebellion. We gon' go to war, yeah, without failure. Do it for the fam, dawg, 10 toes down, dawg. Love and the loyalty, that's what we stand for. Alienated by society. All this pressure give me anxiety. Walk slow through the fire. Life

Ouais, de toute façon, comme c'est moi qui le ramène, je vais rentrer à mon aise. Hein. Je vais rentrer à l'aise. À l'aise. Quel chien. Parce qu'il a dit, si jamais ce n'est pas en ligne, qu'il payait l'upgrade pour que Toff puisse être confortablement installé en business class. Et franchement, aller... je le remercie d'avance parce que de toute façon, je connais à l'aise et je sais qu'il n'y arrivera pas. De quoi, faire le truc ou à payer? Les deux. Non, payer, il peut le faire, il fera un crédit, il se démerde. Bon, on va enfin récupérer Marilyn avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. Si vous voulez jouer, si vous voulez piéger votre copain ou votre copine, si vous voulez lui faire croire que vous avez envie de coucher avec quelqu'un d'autre et que, bah, en gros, vous l'appelez pour lui demander l'autorisation, hein, vous cassez pas avec qui, lui ou elle, hein, c'est juste comme ça, pour le plaisir de coucher avec quelqu'un d'autre et repartir au passage avec des bracelets Fitbit. On a également des tablettes Samsung Galaxy Tab A. Bah, vous nous appelez, Seba alias Alaise au standard 0140 71 5000. Bon, Marilyn de Bruxelles, t'es toujours là? Oui. Très bien. Pour ceux qui viennent de débarquer, je rappelle donc que Marilyn nous avait appelé parce que, en gros, elle a eu une grosse histoire ce week-end. Elle a rencontré un gars sur Facebook. Donc, toi, t'es à Bruxelles, lui est à Liège. Hein, pour ceux qui connaissent pas la géographie belge, il y a à peu près 120 bornes. Tu y es allé en train, c'est ça? Oui. Tu y es allé en train plutôt. Et donc, une fois que t'es arrivé là-bas, tu l'as vu, vous avez été boire un verre. Lui, il voulait que tu passes. Enfin, il voulait un petit peu plus que le bonjour, au revoir et je bois un verre. Du coup, il t'a fait rater ton train, c'est ça? Et quand vous êtes rentré à pied jusque chez lui, il y a eu une tempête, il y a eu de la flotte, il a plu sa mère. Non, on est rentré en voiture, c'est de la voiture jusqu'à la maison qu'on était trempé. Mais vous vous êtes garé où, à l'autre bout de la ville ou quoi? Non, juste devant, mais il y a eu vraiment une grosse tempête. Ah bon. Bon, bref, du coup, tu t'es retrouvé trempé. Résultat, tu as enlevé ton t-shirt de manière à ce qu'on te voit en petite tenue. Lui, étant un con de mec, il a directement compris que une fille qui se met en petite tenue, c'est qu'elle est peut-être un peu ouverte, un peu plus. Et là, après, je ne dis pas que sa réaction finale est pardonnable. Hein, le fait de dire, ouais, si tu ne veux pas plus, prends tes affaires et casse-toi à 1h du matin alors que t'es à 120 bornes de chez toi. Effectivement, ça se fait pas. Il aurait c'est un malade surtout. Mais non, mais il est con parce que je suis sûr qu'il y avait moyen de l'avoir, Marilyn. Tu dis non, écoute, t'inquiète. Déjà, il fallait pas le demander. Il fallait, mais non, mais pas le demander. Il faut pas dire, on couche ensemble. Bah oui, ça se demande. Non, pas. C'est, tu lui fais machin, tu mets la petite lumière, la musique, blablabla, blablabla, tu te rapproches, blablabla, blablabla, bla, tu te rapproches. Bougie. Et puis voilà, bougie. Non, oui, écoute, ça je marche, sais qu'elle était à nu, mais ça, c'est pas une raison, Amina. Non, mais attends. Parce qu'elle voulait les mettre dans l'anus. Mais pas du tout. Oh, Amina! Quelle horreur! Putain, on t'a prise pour un petit peu adoucir l'émission, t'es encore plus dégueulasse que pour les temps réunis. C'est une blague ou quoi? Moi, je voulais ambiance tamisée, machin. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Ouais, c'est tamisé, ouais. Ah ouais. Mais bon, voilà, il y avait moyen en étant un peu gentleman et en lui mentant. Toujours, n'est-ce pas, il y avait moyen d'y arriver, c'est vrai, quand même. Moi, j'aurais dit, mais écoute, je t'aime, t'es la plus belle, je t'aime et tout. Mais c'est pas la honte, elles adorent ça. C'est pas bien. Oh, tu l'aides en plus à s'essuyer et tu lui fais un petit massage. Et voilà, tu mets un peu d'huile de massage. Et puis voilà, t'es sûr que tu peux la bourrer, quoi. C'est ça, massage. Toff! Bah quoi? Oh! On a plus le droit de les bourrer maintenant. Attends, c'est pas le temps de l'agriculture, ça va. Bon, bref. Et Marilyn, du coup, t'es rentrée, tout s'est bien passé, t'es rentrée comment? On s'est un peu beaucoup disputé. Ouais. Parce que moi, je ne sais pas me taire. Tu sais te taire, mais tu ne peux pas, là. Oui, non, là, franchement, je l'avais très mauvaise. Donc, il m'a déposée à Liège. D'accord, donc dans le centre-ville, quoi? Oui, dans le centre-ville. Ouais, mais c'est sympa, il t'a quand même déposé. Ah, bah oui, juste à la gare, tu sais, où il y a toutes les putes, là. Génial. Bah, et voilà. Et bien, je te dépose, je vais aller chercher l'art, c'est à 6h. Il s'est dit comme ça. Non, donc j'ai voulu aller à l'hôtel, mais tout était complet parce que c'était le Grand Prix de Francorchamps. D'accord. Le Grand Prix de Francorchamps, c'est Francorchamps. Quoi? Francorchamps. Tu connais pas? C'est la Formule 1. C'est la Formule 1. Le Grand Prix de la F1 à Francorchamps. Ouais, tout près de Spa. Non, c'est pas moi, je connais Monaco, Dubaï et tout ça, je connais pas Francorchamps. Oh, l'autre là, oh là là. Mais tu me parles de Francorchamps. Bah oui, Francorchamps, mais tu connais pas. Mais non, je connais pas. Mais un des plus célèbres Grand Prix, monsieur. Mais exactement, oui. Quel inculte, tu es. Et un des plus anciens. Bon, bref, et donc Marilyn, donc t'as été dans le centre, pas l'hôtel, et après t'as fait quoi? Je voulais pas coucher avec. Bah, j'ai trouvé le premier mec que j'ai vu, je couchais avec lui, mais. Non, mais je me suis dit, quitte à coucher, autant le faire payant, donc j'ai pris des mecs sur le bord de la gare. Et puis t'as pris le taxi, quoi, jusqu'à Bruxelles? Non, j'ai appelé un taxi qui m'a annoncé que jusqu'à Bruxelles, c'était passé 400 euros. Ah bah oui, 120 bornes pour lui aller, 120 bornes retour. Plus bon, le, là, j'ai plus un peu frais. Craqué, je me suis mise à pleurer. Donc, pour finir, il m'a fait le trajet à 150 euros. Ce qui est déjà pas mal, hein, quand même. Parce qu'il était adorable, vraiment. Je le remercie, s'il ouais. m'entend, c'est Marco. Oh, ma pauvre. Mais en même temps, t'es conne, Marilyn. T'aurais envoyé un tweet à Toff, il serait venu. Hein. Bah, bien sûr, moi je serais venu te chercher direct. Ah, mais là, il aurait fait l'aller-retour, et puis voilà. Tu, il t'aurait expliqué, il t'aurait dit ouais, mais quel connard, et il t'aurait pécho. Hein. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Moi, je t'aurais essuyé et tout, il n'y a pas de problème. Oh là là. Bon, dites-nous. Oh, Toff, t'es vraiment un crado, c'est dingue. Bon, dites-nous si vous avez déjà vécu des histoires un peu bizarres comme celle de Marilyn. Et puis, on aura évidemment avec grand plaisir l'histoire dans quelques instants de. D'Amina de Paris, qui préfère rester anonyme. Hein, oui, donc oui, on a évidemment, tout à fait. On a évidemment modifié. Oui, c'est un nom d'emprunt, bien c'est sûr. C'est un nom d'emprunt, tout à fait. Oui. Bon, Marilyn, encore un truc à ajouter en tout cas ou pas? Non. C'est bon. Eh ben, écoute, je te remercie, Marilyn. Je te fais des gros bisous en tout cas. T'hésites pas, tu nous rappelles quand tu veux, ok? Ok. Marilyn, n'hésite pas, je suis photographe. POLOFENERGIE.com. Il est floutographe, il est flou que du flou. Oui, mais c'est de l'artistique. C'est artistique, mais c'est un concept. Non, POLOFENERGIE.com, tu m'envoies un mail, je fais des photos. Voilà, il fait des photos. J'ai un bel appareil photo très puissant. Oui, l'iPhone 6S. Bon, salut Marilyn, gros bisous, je t'embrasse. Gros bisous, au revoir. Salut Marilyn. Rebecca dans un instant. Salut Rebecca. Salut. Bonsoir. Comment ça va, Rebecca? Ça va. Bon, on va parler. C'est pour ça. De quoi tu dis, Rebecca? Tu t'endormais? Ouais, non, j'ai écouté Los Angeles. Je veux trop venir avec vous. Eh bah oui, bah écoute. Ça tient une place pour moi. Tu crois que c'est une invitée? Tu crois que c'est une invitée? Rebecca, combien mesures-tu? Oui, ça fait longtemps. Oui. 1m68, t'as c'est dommage. C'est pas un mètre 68 près, c'était mon numéro préféré. Alors, combien pèses-tu? En point. Mon angoisse, c'est d'entendre ça pendant toute l'année. Oh, 1cm près, c'était mon numéro préféré. Bon, alors, donc, quel est ton poids en kilo? Oui, ça, pas en pounds. Pas en tonnes. Non, d'abord, ton poids en kilo. 60. D'accord, quel est ton tour de poitrine? Ah non, on va pas aller jusque-là. Ah si, on va aller jusque-là. Et Los Angeles, c'est loin, donc bon... Non, moi je vais à Los Angeles sans tout ça. Moi. Ah non, tu dégages. Allez, circule, mademoiselle. Tu iras à Créteil. Allez, circule. Tu verras, c'est vachement bien aussi. C'est pas bien. Créteil seul, c'est magnifique. Je vais vous raconter, vous allez kiffer. Bon, donc on a pas la suite alors? Eh ben non. Eh ben, mais vous allez avoir une anecdote sympathique. Bon, c'est déjà ça. Bon, Rebecca, bouge pas de là. Il y aura Jean-Claude dans un instant également. Sweet Game le retour avec son hashtag. Et puis on va se faire le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes avec Alexandre, juste après le son d'Alvaro Soler. Qu'on écoute tout de suite, il est 1h du mat, on est au cœur de la nuit sans pub, c'est Mickaël, tranquille à la cool. Et puis Alvaro Soler, c'est Sofia, c'est maintenant sur RG. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció. Mina Sofía. sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? On est sur Énergie, bonne nuit. Mickaël sur Énergie. Toutes les nuits de minuit à 4h. 01 40 71 5000. Voilà, vous nous appelez, vous passez en direct à l'antenne. Ça marche aussi par SMS 6 11 12. Débutez le message par Mickaël. Et vous pouvez envoyer vos messages depuis la France ou depuis la Belgique, où que vous soyez, ça fonctionne. Il y a Simon qui dit, ça fait cool d'être la troisième plus grande émission radio de France. Bon, c'est normal en fait, hein. Nous on est là pour se marrer. Hein. On se marre. Hein. Ouais. Non, après, je suis content d'être sur la chaîne. Après, qu'on soit premier, deuxième, dernier, on s'en branle. Le principal, c'est que vous soyez là et qu'on se marre. Voilà, tout simplement, Simon. Merci à toi pour le message. Il y a Jules qui dit, enfin go avec Mickaël, il est minuit, j'ai 13 ans. Je passe mes 13 ans avec vous. Ah oui, ton message avec un peu de retard. Bah, bon anniversaire, Jules, dis donc. Salut Night, enfin on vous retrouve la nuit. Bonne humeur garantie et surtout des animateurs qui nous donne la parole, Audrey et Brian du 88. Eh ben gros bisous à vous, vous nous appelez hein, 01 40 71 5000 hashtag et Mickaël sur le Twitter. Léa qui dit, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la radio, vous m'avez manqué, vous gérez l'équipe. Oui, on est de retour depuis ce soir, minuit 4h pendant toute la saison, et on vous a accompagné aussi pendant tout l'été de 20h à minuit. Coucou toute l'équipe, j'espère que vous allez bien, quel plaisir de vous retrouver la nuit à toute l'équipe. C'est Véro qui avait envoyé le message, et avant de se faire le chéri, je peux te faire cocu avec Alexandre. Rebecca qui est là, 25 ans à Paris. Bon, salut Rebecca, re-salut yeah. Même je suis là. Alors Rebecca, quelle est l'histoire qui va nous faire je sais pas comment appeler ça, changer d'avis pour Los Angeles. Eh, changer d'avis pour Los Angeles, c'est pas gagné hein, mais on va voir. Rebecca, elle a une voix de vieille. De vieille de meuf âgée. Non, t'as une suave, non, j'allais dire. Non, elle a une jolie, elle est pas... Non, c'est pas une insulte. Je dis que t'as une voix de meuf de 40 ans. Mais c'est bien. 40 ans, ouais. C'est quand même hein. Bah 25. Oh, ça dépend, ouais. Mais faut voir. Non, t'as une belle voix Rebecca. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? C'est quoi l'histoire Rebecca? Alors, ce qu'on peut faire pour moi, rien. Vous allez, franchement, vous allez rigoler, je crois. Dis-nous. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai gagné un concours, parce que j'adore les concours. Mes copines qui m'écoutent, là, elles le savent. Je joue à tout. C'est-à-dire que dès qu'il y a un concours, même chez Leclerc, j'y vais, quoi. Ça tombe bien, il y a un concours, là, sur polo@energie.com. C'est passer une nuit avec moi. Ah, super. Oh, le concours de merde. Je suis très vexée. J'ai 40 ans. Je passe de nuit. J'adore les vieilles. J'adore les vieilles. Cela dit, il n'a pas dit que tu avais 40 ans. Il a dit que tu avais une voix comme une femme de 40 ans. Ce n'est pas la même chose. Mm-hmm. Et puis bon. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, donc, j'ai gagné un concours, j'ai gagné donc, le droit d'aller dans les backstage, enfin, dans ses coulisses, les backstage, donc toutes les répétitions d'Amel Bent, ouais, que vous connaissez tous, au Zénith. Et en fait, j'avais le droit de rester pendant 2 heures. Donc, je l'ai rencontré dans les coulisses, ça a été très sympa, très sympa. Mm-hmm. 1 heure de répétition, et après, j'avais pas envie de partir, comme toute fan qui se respecte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis cachée, en fait, dans les toilettes du Zénith. Et je suis revenue peut-être 10 minutes après, et je me suis faufilée, en fait. Il y avait des cousines, des gens qui faisaient partie de la famille d'Amel Bent. Et je me suis faufilée, en fait, à côté d'eux, tout simplement. Et je me suis faite passer pour quelqu'un de sa famille. Donc, en fait, la prod, elle n'osait pas venir me voir pour me dire de partir, puisque elle avait le doute de savoir si je faisais partie de la famille ou pas. Ah oui, d'accord. Et okay. Du coup, voilà, je suis restée en fait toute une journée au Zénith, le Zénith privatisé pour moi, devant une scène avec Amel Bent qui fait ses backstage, ses répétitions. C'était très sympa. Voilà, donc je recommande à tout le monde de mentir. Non, je rigole. Mais ça, Polo l'a déjà fait aujourd'hui. Ah ouais. Merci Rebecca. Ah ouais. Bah voilà. Merci à vous. Bah, c'est bien quand t'es vraiment fan. Bon, après, moi, Amel Bent, ça me ferait plus chier qu'autre chose de rester. Non, mais vrai, attends, mais après, j'aime pas, c'est mon avis quand même, j'ai le droit, non? Non, mais j'ai le droit, j'ai pas le droit, Amina. Oui, Amina qui a l'air choquée, j'ai quand même le droit. Oui, non, mais je ne dis pas bon, qu'Amel Bent, c'est de la merde ou que les gens ne doivent pas aimer. Je dis que moi, je l'aime pas. Donc, c'est clair que rester toute la journée au Zénith pour suivre Amel Bent, ça me ferait chier. Ouais. Bon, alors, mais non, voilà. C'est une belle salle. Un concours pour qui? Voilà, après j'aurais gagné le concours pour suivre Metallica. Voilà, j'aurais kiffé, mais bon, ouais. Voilà, mais chacun ses goûts après. Mais c'est vrai que l'idée est sympa, T'as bien tenté le coup, mais voilà. En même temps, tu pouvais te faire têche pour le même tarif. Hein. C'est ça. Mais bon, si quelqu'un d'entre vous, de l'équipe, a besoin d'un concours un jour, appelez-moi quoi. Bah écoute, je voulais gagner une PS4 sur le Facebook de l'émission. Je sais pas comment on peut faire. Ouais. Bah, joue pour moi, Rebecca. Si tu gagnes, on coupe la console aux deux, d'accord? Allez, on fait ça. Juste pour rire, c'est quoi le plus gros gain que t'as déjà eu? J'ai eu souvent des concerts, en fait. J'ai déjà eu un voyage aussi. Ouais, un voyage à Cannes pour les NMA. Ouais, pas mal. Music Awards, voilà. Donc, mais après, je pense que c'est une question de... Voilà, si tu crois et que tu harcèles un petit peu les radios... Non, je rigole. Vous allez recevoir 10 000 appels à cause non, de... Non, non, mais devant. T'inquiète pas, des gens qui harcèlent, on en a, tu sais. Non, mais voilà, après, on les connaît bien. Faut être convaincant, je crois. D'accord, ok. C'est comme pour tout, quoi. Voilà. Bon, bah, donc retrouvez-moi sur TPMP très bientôt, hein, je regarde. Ah, toi aussi tu vas. Décidément, c'est la réunion de tout le monde là. Tout le monde y va là, c'est voilà. Parti, c'est open bar. Il y aura bientôt plus de gens en TPMP que téléspectateurs. C'est vrai. Non, c'est mais attends, il y a tellement de monde. Venez nous faire coucou là-bas. Non, mais c'est vrai, il y a c'est tellement vrai, de monde, c'est un truc de dingue. J'espère c'est que vrai, hein. Cyril va me ramener Toff en T4. Oh non. T'imagines, ah, ouais, moi aussi, on va tu vas le voir, le mec qui va être derrière en train de balayer, ça va être drôle. Non, la meilleure émission, c'est le truc de porno sur Canal. Ouais, c'est vrai. Bon, Rebecca, je te fais des gros bisous en tout cas, merci d'avoir appelé. Avec plaisir, à bientôt. Salut Rebecca. On va s'écouter Sib maintenant. Juste après, on se fait le chéri, je peux te faire cocu. Sera avec Alexandre. Si vous voulez jouer, des fois que ça foire avec Alexandre, ou si vous voulez jouer la semaine prochaine, vous pouvez nous appeler maintenant aussi. 01 40 71 5000. On écoute Sib maintenant. Il est 1h10 et on est au cœur de la nuit sans pub. This is not for your cries. This is all for your lies. Listen up for your mind. You're killing me over love. Da, da, da. Your kisses are the only doubt. I listen out from your lies. Énergie au cœur de la nuit sans pub de minuit à 4h. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir. Une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Et il est 1h15 d'ailleurs. Les appels mal intentionnés dans moins de 15 minutes. Il y a Fritri Alba qui dit salut, je suis présent. Salut à vous. Salut à Fritri Alba. Et Thomas 27 aussi, du 27, pardon, qui dit salut l'équipe, ça fait plaisir de vous écouter. Coup de pelle sur la tranche de Amina pour changer. Oh bah tiens, et pour une fois, en passant. Hein, on va se faire plaisir. Merci. Bah oui, quand même, quand même. Ah bah oui. Bah oui. Bon, et on va se faire le chéri, je peux te faire cocu maintenant. Chéri, je peux te faire cocu avec. Avec qui? Je me souviens plus. Ah oui, avec Alexandre qui est avec nous. Salut Alexandre. Yo, salut l'équipe. Comment yo, ça va? Salut. En forme? Ouais, ouais, ça va. Toff qui essaie de faire une grosse voix maintenant. Oui, c'est, là, c'est ma grosse voix de malade. Non, mais tout part en couille. Tout part en couille. Ouais, salut. Ouais. Bon, alors, Alexandre, t'appelles de Rouen. On va se faire donc le chéri, je peux te faire cocu ce soir. Chéri, je peux te faire cocu. Je suis en train de galérer pour essayer de trouver ce qu'il y a à gagner. Putain, j'ai pas la liste sous les yeux. C'est pas grave. Bon, donc, globalement, il y a toujours des gros cadeaux. Hein. T'inquiète pas, je suis en train de regarder dans deux secondes, t'auras la liste. On va piéger qui là, du coup, dis-moi. Bon, on va appeler ma copine, hein, parce que bon, je vais pas faire cocu ma sœur. Non, mais enfin, tu pourrais. On sait jamais. Hey, tu pourrais faire cocu on ton mec. On sait jamais, dans certaines régions. Tu pourrais faire cocu ton mec. C'est Rouen, pas Roubaix, hein. Ouais, non. Non, mais peu importe, c'est vrai, c'est possible. Bon, alors, dis-moi. Non, ma copine. D'accord, ok, parfait. Alors, Alexandre, du coup, tu veux la piéger. Comment s'appelle-t-elle? On va prendre toutes les infos, là. Marion. Marion, t'es avec elle depuis combien de temps? Ça fait un peu plus d'un an et demi. Un an et demi, elle a quel âge? 22. 22 ans, d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Elle est serveuse. Serveuse, dans quoi? Bar, resto, hôtel? Boulangerie. Boulangerie, d'accord. Je sais pas si je peux donner le nom. Pas spécialement, non, c'est juste pour savoir. Ok, elle est jalouse? Ouais, elle est jalouse. Quand même, ouais. Ah bah très bien, voilà. Ouais. Ah, parfait. Est-ce qu'il y a une ex qu'elle connaît de nom mais sans l'avoir vue ni jamais ni parlé ni quoi que ce soit? Ouais. Comment elle s'appelle? Lola. Lola, ouais, beau nom de cochonne ça, Lola. Non mais c'est vrai. Toff. Ouais. Oui, le spécialiste des noms de cochonne. Non, alors les vrais cochonnes, c'est Natacha et Vanessa. Ah, et Lola, non? Bah, Lola, j'ai jamais connu de Lola, je peux pas te dire d'expérience, peut-être! Les Sophies sont limite des putes aussi! Oh, des études vérifiées! Ou... Bien sûr, vérifiées par Toff et Tri. Non, mais c'est véridique! Les Sophies sont souvent des cochonnes! Toutes les Sophies que j'ai connues, c'est des cochonnes! Ah, attention, on les embrasse. Sondage. Médium et Toff! Voilà! Médium et Toff! Médium et Toff! C'est que les sondages de merde! Enfin bon! Bon, donc ce sont les meilleurs sondages du monde! Ça fait combien de temps que t'es plus avec Lola? Ah, ça fait déjà plus d'un an et demi déjà. Non, ça fait à peu près. Ça fait 3 ans. 3 ans, et vous vous êtes quitté pourquoi? Bonne nuit, Polo. Hein. Pardon. Il en a rien à foutre. Ouais, il est malade. Il va nous mettre sa petite tente de camping là par terre et il va dormir. Bon, donc 3 ans. Donc pourquoi vous êtes plus ensemble? Je vous signale que moi je suis peut-être ça a été un tout et c'est mon entrée en école de police. Ah, d'accord. Ah, t'es flic? Ouais. D'accord, qu'est-ce que tu veux dire, Polo? Que pendant ce temps-là, l'Espagnol a disparu de la circulation. Mais non, il mange. C'est la pause, ça va. Ça y est, il est à l'aise. Tout va bien, il est à l'aise. Bon, Alexandre, ok, alors, ce qu'on peut faire, c'est que. Alors, du coup, c'est Amina qui va jouer le rôle de la pseudo-maîtresse. Oui. Alors, est-ce qu'on fait comme d'habitude? Genre, moi, c'est d'habitude, quand c'est moi qui fais le jeu, c'est Michel. Est-ce que tu t'appelles Micheline? ça lui irait trop bien. C'est pas sexy. Oh, Michel. Ah, oui, Michel, ça l'est, tu crois? Bon, allez, Micheline. Et Micheline. Voilà, c'est Micheline. Ah, ça, c'est un bon couple. Et tu l'as rencontré parce que t'es flic du coup, c'est ça? Ouais. Bah tu peux l'avoir rencontré lors d'une arrestation. Oui, bah oui, dans quel cas. Et du coup c'était elle était ivre au volant et donc du coup voilà tu l'as un peu aidé et t'as évité de lui mettre un PV parce qu'elle était jolie, gentille, tout ce que tu veux et que du coup elle te propose de coucher avec toi juste un soir. D'accord. Voilà, et comme t'es pas un sale con, du coup tu demandes à ta copine si elle est d'accord que exceptionnellement un seul soir tu couches avec une autre personne. Attention, il y a pas de tu ne vas pas rompre avec ta copine ni quoi que ce soit. Ouais, bien entendu, tu vas juste l'aider à assouvir son fantasme. Ouais, mais elle va pas pleurer, hein. Ouais, elle va pas chialer, hein. Elle est pas émotive. Ouais, non, mais de toute façon, j'ai un hôtel à 5 minutes, donc ça va. Ah, t'es dégueulasse. Ne vois pas le rapport avec le fait qu'elle pleure, mais parce que je préviens, si elle pleure, c'est perdu. Moi, je veux qu'on se marre, qu'on chiale. Non. Bon, d'accord, Très bien. Elle va me défoncer, par contre, à mon avis. Et ça c'est parfait, tiens, qu'elle te défonce, c'est parfait. Moi, j'ai une question, est-ce que t'as un petit surnom qu'elle te donne? Ah oui, c'est quoi le petit surnom? Babadook. C'est quoi? Babadook. Ah bah voilà, Babadook. Babadook. Mais qu'est-ce que c'est que c'est son nom? C'est un film, c'est un monstre. Et toi, t'acceptes. Et toi, en tant qu'homme, là, normalement, constitué, tu acceptes ça. Tu vas appeler Babadook. Babadook. Ça veut rien dire. Et... Calme-toi, Amina, c'est pas grave. C'est génial. Babadook. J'en souffre déjà assez, merci. Ah, mais Babadook. Quelque chose, révolte-toi, c'est ça. Mais ouais, laisse pas faire, mec, ça se fait pas. Pousse tes couilles sur la table. C'est incroyable. Ouais, bah. De toute façon, je vais pas avoir le choix dans quelques temps là. Babadook. Bon bah Babadook, ah bah, on va jouer alors, hein, ce que je te dise moi. Hein. Allez. On va jouer, bah très bien. Bah tu bouges pas, on va se mettre un son et je te reprends juste après, d'accord? Ouais, ok, ça marche. Ouais. Parfait, bah bouge pas. Mec, Babadook. Babadook. J'en reviens toujours pas. Enfin, c'est bref. Scandaleux. Non, mais je confirme. On écoute Willy William maintenant, tiens. C'est pas mal ça comme son. Il est 1h19 du matin, on est au cœur de la nuit sans pub. On va se faire. Donc le chéri, je peux te faire cocu. Retour avec Alexandre dans un instant. 21 Pilots, ça c'est du lourd ça. Ça va arriver, c'est la BO de Suicide Squad. Et puis on va aussi se faire les appels mal intentionnés. Voilà, tranquillement à la cool. Hashtag Mickaël sur le Twitter pour réagir. Et Willy William et Chris Cab maintenant. J'ai troqué ma voiture pour un vélo. Roulé sur ses rues pavées. Un air d'été sur la capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo, c'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la, parce que moi je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, Paris, Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris, je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. Il est 1h22, 1h23 même, c'est Mickaël sur Énergie et on est au cœur de la nuit sans pub. Parce que la nuit c'est le désert à la radio, personne n'est là pour toi. Tout le monde t'a abandonné. Mickaël est en direct sur Énergie. Une oasis pour t'accompagner la nuit, mais. Attention au mirage. Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Exact, on est là de minuit à 4h, on va aller faire les appels mal intentionnés dans quelques minutes et puis on va se faire enfin le chéri, je peux te faire cocu. T'es toujours là, Alex? Ouais ouais, toujours là ouais. Très bien, pour le chéri je peux te faire cocu. Pour ceux qui viennent d'arriver, et ben du coup bah c'est Amina qui va faire le rôle de Micheline. Et oui. Voilà, la cousine de Michel bien sûr hein. Michel qui, bah d'habitude c'est moi qui fais le jeu. Mais bah, oui. Là pour une fois c'est un mec qui veut faire le chéri je peux te faire cocu. Bah ça marche aussi. On va donc piéger Marion qui est ta copine Alexandre. Pour ceux qui débarquent, ouais. je le reprécise. Elle a 22 ans, toi tu en as 24. Elle est serveuse, ouais, dans une boulangerie. En gros elle tient la boutique quoi. Non, en resto. Ah Ah, c'est un restaurant boulanger. Ah oui, ouais, d'accord, c'est, ok, d'accord. C'est un peu spécial. Ouais, pour les petits déjeuners, d'accord, ok. Bon, elle est plutôt jalouse, tant mieux. Il y a une ex qui s'appelait Lola, mais bon, finalement, on va partir sur Micheline. Comme t'es flic, on va lui dire, enfin, tu vas lui dire que t'as rencontré une meuf qui s'appelle Micheline, justement, qui était un peu en état d'ébriété sur la route, qui a fait un peu de la merde, mais comme c'est une meuf un peu bonasse, t'aimes bien plutôt quoi, les blondes, les brunes? Non, je suis pas forcément de style. Tu t'en fous, ouais. T'en as rien à foutre, quoi, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des styles de meufs que ta meuf déteste? C'est genre les blondes, une chalope. Ouais, mes ex. Ouais, non, mais d'accord, mais je veux dire, dans le style. C'est genre une blonde, une bimbo, les seins refaits, grandes, petites, les maigres, quelque chose, un tatouage, j'en sais rien. Non, c'est bizarre, elle critique pas des meufs dans la rue. Regarde, cette salope, et non. Elle ressemble à quoi, ta meuf? Elle est brune, elle est blonde? Elle est brune. Elle est brune, les yeux bleu. Petite, grande? Ouais, c'est petite, enfin bref, ça dépend ce que. Bah 1m50, 60, 70. Petite, ça dépend. Ouais, 60, ouais. 1m60. Non bah voilà, 1m60. Et corpulence, c'est plutôt fine, plutôt moyenne, plutôt grosse? Très fine. Très fine, d'accord, ok, très bien. Ouais. Et au niveau des nibards? Ça va. Non mais ça va, ça veut rien dire, Alexandre. Ça va, ça va, on te demande pas, ça va, et toi? C'est des gros seins, des petits seins? C'est des petits, c'est des moyens ou c'est des gros? Ouais, pour être une moyenne. Mais quelle taille? Ça veut rien dire. On veut des chiffres. Alors là, franchement, j'en sais rien. Non, mais c'est pas possible. Tu connais pas la taille de la taille des nibards de ta main. Quand tu les prends, ça rentre dans la main. Non, je vais y arriver, moi. Quand tu les touches, c'est comment? Ça rentre dans la main ou pas? C'est moelleux ou pas? Mais non, on s'en fout, ça. Ouais, mais j'ai des grandes mains, donc ça va. Oh là là, on va jamais savoir, putain, le lourd. Bon, c'est pas un jeu, hein. Tu crois que c'est ni oui ni non? Ouais, c'est ça. Tu peux dire la bonne réponse, t'inquiète pas. Non, je ne connais pas la taille. Mais c'est incroyable. Bon, et quoi, tu lui achètes jamais de kiff? Bah visiblement non. Super. Eh bah bravo. Bon allez Alexandre, on y va. On appelle Marion maintenant. Je te souhaite bonne chance. Nous on est derrière. Et donc tu es déjà chez Micheline, d'accord? Ouais. Et puis moi je serai le cousin Michel éventuellement. En cas de besoin, en cas de nécessité, je serai là. Pour l'énerver. Voilà, je vais lui dire que je suis chez des potes et on va entendre Micheline derrière. C'est peut-être mieux si tu dis directement que t'es chez Micheline directement. Parce que comme ça tu vois, t'es déjà là prêt à dégommer, quoi, tu vois. Prêt à enlever ton fut et c'est parti, quoi, d'accord? Ok, ça marche. Voilà. Bon, et moi je suis Michel le cousin, mais je vais partir. Ouais. Voilà, je suis sur le point de partir, mais je vous laisse à deux en amoureux, tout ça. La famille sympa, quoi. Allez, voilà. Allez, sois bon, j'ai toujours pas trouvé la liste des cadeaux, c'est pas grave, je vais trouver, t'inquiète pas, il y avait des chouettes cadeaux, mais c'est juste que je sais pas ce que j'ai foutu. Mais... Bon, allez, c'est parti, bonne chance. Bonne chance à toi. Merci. Tu m'entends, Alexandre? Ouais, je t'entends. Tu m'entends? Très. Ouais, je t'entends. Allô? Oui, ça va? T'es où là? Allô? Ah, bon. Chez Micheline. Chez qui? Chez Micheline. Non, mais tu te fous de ma gueule, c'est qui Micheline? Oh, je te parle! Ouais, Micheline. Mais t'es où? Arrête de te payer ma gueule, là, t'es où? Micheline, ah, c'est pas une de mes ex, déjà, t'énerve pas. Je suis en train de parler. Micheline, c'est une jeune femme que j'ai rencontrée au boulot. Pardon? Oui. Non, mais t'es en train de te payer ma gueule, là. Bah, j'aimerais bien. Attends, mais tu te barres comme ça, là? Et tu m'as... Non, mais non, t'es en train de te payer ma gueule. Micheline, mais dis-moi son prénom. Micheline. Non, mais dis-moi son prénom, vas-y, fais pas... Putain, c'est quoi son prénom? Micheline. Non, mais putain, je vais te niquer. C'est quoi son prénom? Micheline. Vas-y, te paye pas ma gueule, là, t'es où? Alex? Ah. C'est qui t'appelle, là? Oui, Micheline. Attends, Micheline, deux secondes. Mais putain, c'est qui? C'est Micheline. Oh, je vais te niquer. Franchement, t'es complètement débile. T'oublies que là, je suis à la maison. Pas ce soir. T'es en train d'oublier que là, je suis à la maison, qu'on habite au quatrième étage et que j'ai toutes tes affaires. Si tu veux les retrouver, on va te battre demain matin. Vas-y, continue. Fais ton beau. Là, elle s'énerve. Porte tes couilles un peu. Viens là et viens me le dire en face. Acteur studio. Tu sais même pas qui c'est. Micheline. C'est qui? Bah, dis-moi. Micheline. Mais. Ouais. C'est quoi son prénom? Allez, ma poche. Open. J'entends pas là. Qu'est-ce que t'es en train de lui dire? Ça veut dire quoi? T'es prête ou pas? Bah je t'attends. Ma gueule, t'es où là? Bah attends, il est parti ton cousin ou pas? T'es où là, putain, je vais défoncer. Ah merde, j'ai pas pu jouer. Il est parti ton cousin t'es ou pas? Où? Ouais, il va peut-être repasser après, bon, dépêche. Vas-y, tu vas où là? Oh, tu sais quoi, je... Hein? Tu fais quoi? T'es où? Passe la main. Qu'est-ce que je vais faire d'après toi? C'est qui cette pute là? Tu fais quoi, t'es qui cette pute? Tu veux lui parler ou pas? Vas-y. Tu veux lui parler? Allô? Vas-y, t'es qui toi? Bonsoir déjà pour commencer, on va être poli. Non, déjà t'es avec mon mec, t'es qui? C'est quoi ton prénom? Ça fait 50 fois qu'il te le dit, je suis à côté, Micheline. Ouais, Micheline, bah, t'as un prénom aussi pourri que ça, Bah j'ai un prénom pourri, mais toi t'as plus de mec, hein. Donc bon. Bah j'ai plus de mec, mais en même temps, si c'est un mec comme ça, je suis désolée, je préfère te le laisser. Hein. Non mais en vrai, j'en veux pas, c'est juste, voilà, on s'est rencontrés hier, on va juste passer la soirée ensemble et c'est tout, ça va, détends-toi. Mais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à carrer, soit il rentre, soit de toute façon il est à la porte. Ah mais c'est pas moi qu'il faut dire ça, j'en ai rien à faire moi. J'ai juste passé la soirée avec lui. Mais alors, le problème c'est que moi je veux passer ma soirée tranquille avec lui. Et toi tu le prends la tête depuis tout à l'heure. Passe-le moi, j'en ai rien à foutre de ta gueule, passe-le moi. Oh là là, il s'énerve. En même temps ton mec il est flic, tu te doutes bien qu'il va rencontrer des nanas qui sont jolies. Mais j'en ai rien à foutre justement. Vas-y passe-le moi. Attends deux secondes. Babadook, tu fais quoi? Bah écoute, j'attends qu'on me repasse mon attends. Déjà. Bon, Marion, t'es d'accord ou pas? On va juste passer la soirée ensemble. Rien de dramatique. Non, vas-y, ferme-la, passe-le-moi, passe-le-moi. Vas-y, vas-y, fais ce que tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux. Non, mais ça va, attends. Fais ce que tu veux, ta vie, passe-le-moi. Passe-le-moi. Bon, attends, je te le repasse. Babadou, tiens. Merci. Ouais. Non, c'est bizarre quand même. Vas-y, passe la soirée avec ta pute, tu sais quoi, tes affaires, elles sont toutes devant moi là, elles vont faire 4 étages, elles vont finir sur le bitume. Bah, tu démerdes, mes clés, elles vont être dans la porte, tu vas pas pouvoir bouger. Il a rien dit là. Tu démerdes, vas-y, je raccroche, ça me casse les couilles. Allez, attends, mais qu'elle raccroche, attends, je vais lui en parler. Dis donc, Alexandre, elle a raccroché là. Tu t'as pas envie de te foutre de notre gueule? Elle est au courant là quand même, tu vas pas me la faire à l'envers. Non. Elle s'énerve tout seule, c'est-à-dire que oui, je suis chez Michel. Quoi? Quelle salope! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce boulot de merde? Tes affaires, t'es elles sont où sur le. T'es où? Dire, ça fait un an que vous êtes. Un an et demi, vous êtes ensemble. Et tu lui dis juste. Je suis chez Micheline, ce qui pourrait quand même être ta grand-mère. Et elle veut mettre tes affaires dehors, t'es viré, t'es un sale connard, je te hais. Je veux dire, c'est. En plus, t'as même pas joué le truc. Je suis chez Micheline. Mais c'est qui? T'aurais dû dire, ouais, voilà, j'ai rencontré la meuf, machin, blablabla. Avec. Ouais. Bon, après, t'as oublié. Non, bon, peut-être c'est du. Sans déconner, il est pas au courant. On reste quand même sur du doute. On reste quand même sur du doute parce que c'est trop joué à. Enfin, tu vois, ou alors ta meuf est comme ça. Et peut-être, hein, il y a toujours le bénéfice du doute. Hein, mais le fait que. Non. Ouais, papa, c'est dégueulasse. T'es un connard. Et je vais te niquer. C'est quoi cette meuf qui se fait piquer? Ah non, mais elle parle vraiment comme ça. C'est chelou, c'est comme si je sors avec Amina. Je dis, Amina, je suis chez Georgette. Quoi? C'est qui Georgette? Comment? Non mais c'est une meuf, je suis chez Georgette. Ouais, tes affaires, elles sont dehors. Ouais, mais bon, ça fait bizarre. Bon, écoute, bénéfice du doute. Le truc, c'est qu'elle m'a demandé le prénom. Après, tu sais, je voulais dire un autre prénom. Ben non, il fallait dire Michel. Mais pourquoi tu veux changer la règle du jeu en plein milieu, toi? Mais oui. Bon, on la rappelle, Alexandre. Ouais, c'est tendu. Hein. Ah bah, je te confirme. On dirait top. Il n'est pas très bon acteur. Allô? Ouais. Bon, t'arrêtes de t'énerver pour rien, hein, c'est bon? Tiens, tu te fous de ma gueule, là. Mais t'es énervé, en même temps, on rigole. Tu te fous vraiment de ma gueule, en fait. Enfin bon, toujours est-il que je rentre pas ce soir, point final. Soit tu portes tes couilles et tu viens me dire les choses en face, soit je te le répète, tes affaires. Bah, en même temps, je suis pas très loin. En même temps, je suis pas très loin. Et bah, tant mieux. Bah, après, tu fais ce que tu veux. Bah, ouais, bah oui, je fais ce que je veux. Je vais faire comme toi, je vais faire ce que je veux. J'endrai avec Micheline, comme ça, tu verras qui c'est. Oui, y a pas de problème, y a pas de souci. Vas-y, viens. Ok. T'en prie. Moi, je vais dire à des potes de venir aussi, tiens. Puis ça va juste être une soirée tranquille. On veut juste passer une soirée tranquille, t'as raison. Non, c'est pas une menace, c'est ce que je vais faire. Non, bah, on va juste passer une soirée tranquille aussi, t'as raison. Micheline. Quoi? Vas-y, je vais faire ma vie. Du coup, tu vas venir avec moi? Bah, dépêche! Vas-y, allez, casse-toi, vas-y, c'est bon. Bon, j'ai oublié un truc. Alex? Ouais? T'es avec qui au téléphone? Avec ma meuf? Enfin, avec ma future ex, à mon avis. Parce que... Bah, pourquoi future ex? Je croyais que tu la verrais pas. C'est qui ce mec? T'as dit quoi? Bon, non, mais t'es où là? En fait, t'es où? Je suis le cousin de Micheline. Non, mais j'en ai rien à branler, tu sais. Bon, et quel est le problème là? Je comprends pas. Mais t'es qui toi? Je suis Mich-Mich quoi. Enfin bref, on s'appelle tous Mich-Mich. Ouais, Mich-Mich, ouais. Bon, bref, voilà, je m'appelle Michel, enfin bref, peu importe. On est du Nord en fait quoi. Ouais, ouais, on est du Nord et après? Ouais, ouais. Bon, bah quel est le souci alors? Je comprends pas. Mais pourquoi tu viens me prendre la tête toi? Mais je te prends pas la tête, je viens juste là pour essayer de comprendre le problème. Bah, que mon mec il s'est barré, qui me dit qu'il passe la soirée avec une gonzesse que je connais pas. C'est mais tout. Non, mais ça n'a rien à voir, on l'a rien compris. C'est juste qu'Alex l'a arrêté et que pour voilà, non, lui a fait des avances travail. Et que allez, du coup. Allez, viens pas me la faire, il est pas au travail, n'importe quoi. Il l'a mais arrêté, c'est pas aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui. Mais, c'est... Bah ouais, bah tout à l'heure il m'a dit que c'était sa collègue. Qu'est-ce que mais t'es en train de me quelle collègue? Mais du complètement con. Eh, t'es complètement con, Alex. J'ai jamais dit que c'était ma collègue, c'est une gonzesse qui l'a arrêté. Mais oui! En sortie de boîte, rive gauche. Bon bah non, du coup c'était complètement raide. Et du coup il l'a laissé passer alors qu'elle avait un petit verre dans le nez. Et voilà, c'est la manière de la remercier quoi. Enfin de le remercier. Mais j'en ai rien à foutre de tes histoires, de vos histoires de merde là. J'en ai rien à carrer. De toute façon maintenant je peux faire ce que je veux. Vas-y, t'arrives, fais ce que tu veux. De toute façon c'est que pour un soir, on va pas loucher une pendule à Marion. Vas-y quand même, ouais. Tu sais quoi, je crois que Mich-Mich tu vas aller Mich-Mich, tu vas sortir, et puis moi, je vais m'occuper un peu de ta cousine. Bah ouais, et Marion, je peux pas venir la voir, tu ressembles à quoi, ma belle? Vas-y, viens, y a pas de soucis, viens. Ah, je peux venir? Ouais, y a pas de problème, viens. Et tu ressembles à quoi? Bah, demande sur plan cul de ta cousine. Ouais, non, mais ça m'intéresse pas, t'as l'air chiante. Ouais, voilà, exactement. Ouais, t'as l'air chiante. C'est clair. Bon, t'as l'air chiante. Ouais, t'as l'air chiante. J'osais pas le dire. Repasse-moi, Alex. En tout cas, c'est bien parce que pour une meuf qui s'énerve, t'as quand même. Tu gardes le sourire, quoi. Ouais, non, mais c'est nerveux là. Ça doit venir de ça. Repasse-moi, Alex. Ah, bah, il est là, Alex. Ouais, bah oui, je sais, bah passe-le-moi, putain. Bah, il est là. En plus, ça va pas être grossière, hein, tu vois, quelle chance. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous niquer. Mais non, tu vas pas dire ça. Tu vas pas le niquer. Mais non. Bon Marion, je vais rentrer, tu vas dormir et puis on en reparlera demain. Mais non. Et vos avis justement là, c'est à votre avis, c'est du pipo, c'est du. Vous envoyez Mickaël et Facebook, Twitter, Instagram. Oui, bah oui, t'as raison. Avec un mot, tu vas aller loin. On fait un tour de table, ils nous entendent pas là. Tof. Bah moi je dis c'est sûr que Marion c'est mieux. Acteur studio, Amina. Ouais non, comédien d'alerte. Ouais, follow. Moi je suppose qu'en fait ils sont tous les deux bêtes. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ah donc ce sera vrai pour toi? Je pense que c'est vrai parce que l'autre elle est vulgaire pour rien. C'est du genre de meuf que je déteste. On va mettre un coup alors. Quoi, on va bite? Non, attends. Bon, c'est bon ou pas? D'accord, c'est que même j'ai rien compris là. Eh, d'accord, on est pas d'accord. Bah elle est d'accord. Bah viens, Babadou. De toute façon, elle casse toujours les couilles pour rien, elle est d'accord. Ah bah voilà, bah c'est très bien. Vas-y, bah tu sais quoi, je casse les couilles, bah dégage. Vas-y, va faire ta vie avec elle, avec une bourrée qui dit. Non, je vais pas faire ma vie avec. Non, il n'y a pas d'amour. J'en ai rien à carrer. Si tu fais ça, c'est que tu n'en avais pas non plus avec moi, donc casse-toi, t'as raison. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Bon Marion. Putain, incroyable. Bon Marion. Ah oh merde, elle s'est barrée, putain, qui est chiant. Bon attends, on la rappelle. Quelle lourdeur. Ah ouais, putain, grave. Attends, on la rappelle encore une fois. Elle m'a traité de cassos quand même. Elle t'a traité de cassos. Bon, on a fait un tour de. Ah, attention, c'est violent. On a fait un tour de table, il y a que Polo qui croit en la véracité de l'histoire. Hein, et les autres n'y croient pas trop. Soit trop mauvaise actrice ou trop bonne actrice, peut-être. Ou je sais pas. Peut-être le prénom. Allô. Ouais. Ah tu décroches de nouveau, hein, c'est bien. Ouais, vas-y, toujours à longue à la détente, de toute façon. Bah, toujours, ouais. Bon, Marion. Toujours. Bon, tu sais où t'es, j'imagine. Hein? Je sais où je suis. Je suis chez moi, oui, quoi. Mais non, mais d'accord, mais tu sais en vrai où t'es? Tu sais qui on est, là? Bah, non. Allez, à vous. Bah, non. À vous. Mais je sais pas, putain. À vous, je te dis. Bah, je sais pour rien du tout, je vais juste te raccrocher à la gueule, c'est tout ce que je vais faire. Tu vas pas me raccrocher à la gueule parce que tu sais pas qui je suis, d'accord? Bah, alors, reste calme. Rien à foutre, tu sais qui je suis, non? Ouais, tu t'appelles Marion, toi. Bah, ouais, je m'appelle Marion, mais toi, je sais même pas ton prénom, mais j'en ai rien à foutre. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Non, mais c'est un prénom de merde. Mais vas-y, mais arrêtez de rappeler là, c'est saoulant. Dis Alex, passons Alex. Tu sais pas où t'es? Mais non, je sais pas où je suis. Bon, en tout cas, tu vas te calmer, t'as compris? Je sais ce que je veux. Et tu sais pourquoi tu vas te calmer? Non, parce que t'es sur énergie. du coup, on a quand même eu des doutes, Alexandre. Autant dire les choses, hein. Marion, donc t'es sur Énergie, le chéri, je peux te faire cocu. Parce que on a déjà fait, hein, des chéri, je peux te faire cocu. Ah, putain, c'est pas le premier, hein, loin de là même. Mais quand même, Marion, je me demande comment est-ce possible que quand ton mec t'appelle pour dire oui, ma chérie, je suis chez Micheline. Quoi? Qu'est-ce que c'est que mais ça veut dire? T'es quoi, espèce d'enculé? C'est bien, toi, profite-le. Quoi? Mais en fait, comment? Il nous a pas dit, à quelqu'un dans le placard? Ce qu'il nous a pas dit, c'est que ça fait une heure qu'il s'est barré. Ça fait une heure qu'il s'est barré, qu'il ne donne pas de nouvelles. Et alors? C'est ça, ça, il vous l'a pas dit par contre. Bah, et alors, une heure, c'est quoi? C'est grave. Une heure, c'est rien, c'est rien. Et ça se trouve, il a été vraiment baisé l'autre. Toi, il a dit une heure. Je suis en bordure de forêt. De quoi? En bordure de forêt, dans ma bagnole, je suis en sueur. Je suis viré comme un con, il y a des gens chelous qui me regardent depuis tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, il y en aura d'autres. Hein. Tu vas te faire avoir par d'autres mecs ou quoi? T'es dans le bois de Boulogne? T'es pas là-bas quand même, rassure-moi. Non. Ah bon, me voilà rassuré. C'est pas mieux famille quand même. Bon, bah très bien, parfait. Bon, Marion, donc ça va, c'était le shérif, je peux te faire cocu, t'inquiète pas. Hein. Micheline, la salope, c'est Amina, donc tout va bien. Oui, on se comprend. Oui. Bah, Micheline, la salope, c'est Amina. Oui, enfin, voilà. Ah, bah, voilà, c'est bon. C'est un personnage, voyons. Oui, merci, Germaine, on n'avait pas remarqué, tiens, donc. Ah, je te jure. Mais du coup, ça tient toujours ou pas, Micheline ou... Non, ouais, t'as raison, toi. Même si c'est une blague, quand tu vas rentrer, je vais te tuer. Mais voilà, c'est ça, plus de pipe pendant un mois, ça va bien se passer là. Non, bon, Marion et Alexandre, vous retournez chez Seba, alias Aliès, alias l'Espagnol, alias Tranquille, à la cool, oui. Parasite. Voilà, tout ça, c'est les nouveaux pseudos, hein, si vous voulez. Bon, Alexandre, tu retournes là-bas. Merci en tout cas d'avoir joué. Salut, Alexandre. Salut, Marion. Salut. Bon, et si vous voulez faire aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, mais un mieux, hein, la prochaine fois, n'hésitez pas. On remet ça lundi, si vous voulez jouer avec nous, 01 40 71 5000. Vous appelez maintenant Seba au standard, 01 40 71 5000. Plein de messages qui arrivent en disant oui ou c'est du fake. Notamment Ophélie qui disait ça. Il y a Eric sur le Facebook également. Anis qui disait pareil. Emilien aussi. Et puis, bah, tous vos messages, vous pouvez y aller encore. Hein. On se fait les appels mal intentionnés, on est à la bourre. Dans quelques minutes, on va récupérer Jazz, Julie, Jean-Claude, Sweet Game et Pierre dans quelques instants. Restez bien là, je vous prends dans quelques secondes. Le temps d'écouter le son de 21 Pilots. C'est la BO de Suicide Squad, qui est juste une grosse tuerie. Je parle surtout de la chanson d'ailleurs. 21 Pilots, c'est maintenant sur Énergie. Écoutez, c'est de la bombe. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the people who have rooms of people that they love one day docked away. Just because we check the guns at the door doesn't mean our brains will change from hand grenades. You love another psychopath sitting next to you. You love another murderer sitting next to you. You think I'd get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. Outsiders very well. They say newcomers have a certain smell. Yeah, trust issues not to mention. They say they can smell your intentions. You love another freak show sitting next to you. You love some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't fall. Take it slow. Wait for them to ask you who you know. Please don't make any sudden moves. You don't know the half of the abuse. Bonsoir tout le monde, l'excellent son de 21 Pilots à l'instant. Kungs arrive, il y aura Major Lazer et puis vous toutes et vous tous en direct 01 40 71 5000. Mickaël sur Énergie. En live, de minuit à 4h toute la semaine. Mais aussi sur Facebook, Twitter et Instagram. M-I-K-L officiel. Et venez nous rejoindre, il y a PS4 à gagner. D'ailleurs, je tiens à signaler au passage que c'est pas la peine de venir mendier pour avoir la PS4, de dire que ça fait longtemps que vous écoutez, de dire que. Vous êtes pas bien, vous êtes malade, vous en rêvez, vous n'avez jamais eu la chance d'avoir une PS4, une PS3, une PS2, même la PS1. C'est un tirage au sort, donc voilà, quoi que vous disiez en fait, ça change pas grand chose. Sinon, vous perdez un peu de temps quoi. Donc c'est un tirage au sort, on a mis la photo tout à l'heure de la PS4 qu'on file. Il suffit simplement de mettre un commentaire, on tire au sort parmi les commentaires. Ce sera jeudi dans la nuit, en début d'émission, vers minuit, minuit et quart. Et puis voilà, donc si vous voulez jouer avec nous, une seule chose à faire, vous venez nous rejoindre sur Facebook, Facebook, c'est sur M-I-K-L officiel. Jazz, Julie, Jean-Claude et Pierre, vous êtes toujours là ? Oui. Salut tout le monde. Bon, désolé pour le retard, on va juste se faire les appels mal intentionnés et après, promis, je vous prends, d'accord ? Ok. Bon, bougez pas, mais je vous oublie pas, vous inquiétez pas. C'est juste qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a des messages aussi qui sont arrivés. Oui, c'est trop truqué, c'est Marion qui va envoyer le message. Oui, bah de toute façon, voilà, on a rien filé. Trop bon ce son, c'est une tuerie ce groupe de 21 Pilots. Oui, c'est clair. C'est Marion qui a trollé l'équipe et un message aussi qui dit je vous adore, j'ai pas eu mes 13 ans avec vous, dommage. Oh, bah c'est pas grave, t'inquiète pas, tu feras les 14, hein. Et puis bah les 15, et puis les 16, et ainsi de suite. Bon, 1h46, on se fait les appels mal intentionnés, Tof. Allons-y. Parce qu'on t'a attendu, là, un quart d'heure de retard. Hein. Ah oui, pardon. Normalement, c'est 1h30. Hein. Désolé. Ouais, bah désolé. Ouais. Bon, du coup, hier, c'était la journée internationale du topless. Ah. Oui. Quelque chose qui se fête. Bah évidemment. Évidemment, une d'ailleurs. Grosse journée. Et oui, maman Mina a dit putain, il faut absolument que ça se fête, la journée du topless. Ma journée préférée. Rassurez-vous, il y a Mike qui m'a rappelé sur Facebook ne pas oublier l'histoire le week-end d'Amina. Vous inquiétez pas, on va le raconter. Amina, on est pas obligé, mais Amina de Paris, il n'y a aucun problème. Bon, on va se faire donc ces appels. Tu vas demander, Tof, si tes amis pratiquent. Bah oui, allons-y. Le topless, bien entendu. Allez, c'est parti, 1h46 du mat. On y va, on appelle. Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je vous appelle parce que je voulais savoir, est-ce qu'il arrive à votre femme de se mettre topless? Attendez, qu'est-ce que tu me racontes là? Bah en fait, je voulais savoir s'il arrive à votre femme de bronzer seins nus. Tu te fous de ma gueule ou quoi, toi? Ah non, pas du tout, monsieur, je me permettrai pas, pourquoi vous dites ça? Non mais alors, attends, là tu parles de ma femme comme ça? Tu te permets quoi là? Bah je me permets rien, monsieur, je veux juste savoir si votre femme, parfois, elle se balade les nibards à l'air, enfin c'est rien de... Et toi, je te demande si ta femme, elle se barre là, et, comme ça, avec une nibards à l'air là, mais tu fais quoi là? Bah je vous fais rien, monsieur. Non mais t'es qui toi? Tof, monsieur, je m'appelle Tof. Tof. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi ton prénom, là? Bah, c'est mon nom, monsieur. Eh, mais franchement, mais tu me casses les couilles, là. Qu'est-ce que tu m'appelles, là? Bah, moi, je vous appelle juste pour savoir si votre femme, parfois, ça lui arrive de bronzer le téton, le téton vaillant. T'as une femme, toi? Non, j'ai pas de femme, monsieur. Je vis chez maman. Ah, t'es pédé? Non, pourquoi vous dites ça, monsieur? Et puis, ça se dit pas pédé, monsieur, non, mais... c'est homophobe. Ah, c'est homophobe. Ah, ouais, pédé de pédéraste égale les enfants. C'est bon. Eh, hey, on me la fait pas. Non mais tu m'appelles là comme ça et tu te permets de dire voilà je me... Est-ce que t'as... Mais putain mais je vais te niquer toi. Oh non dites pas ça monsieur, enfin c'est très violent, ça se dit pas des choses comme ça. C'est très violent et toi tu te rends compte de ce que t'es en train de dire là? Bah moi je dis rien monsieur, je vous pose une question. Ah tu me poses une question? Bah oui. Moi je vais t'en poser une des questions. Oui. Et franchement tu niques ton chien toi? Ah non j'ai pas de chien. T'as pas de chien? T'as un chat? Non plus. Non plus t'as rien? Non. Ouais, bah, je savais que t'avais rien. De toute façon, t'as pas de couilles, quoi. Oh bah, pourquoi je vous dis ça, monsieur? Ça n'a aucun rapport. Non, mais attends, mais de quel droit tu te permets de parler de ma femme, toi? Mais je parle pas de votre femme, monsieur. Je vous demande juste si parfois elle a les seins à l'air libre, c'est tout. Et alors, si elle les avait, ça ferait quoi? Bah, ça me ferait rien, monsieur. Moi, c'est juste pour savoir. Ouais, bah, elle les a. Et alors, maintenant, tu vas faire quoi? Bah, rien, monsieur. On va se souhaiter une bonne soirée, on va se faire des poutous. Des quoi? Des poutous. Eh, mais je vais te niquer ta race, toi. Mais pourquoi vous voulez faire ça, monsieur? Moi, je voulais un geste de paix et d'amitié entre nous. De paix et d'amitié? Mais je te connais même pas. Tu viens d'où, toi? Tu crées juste. De Paris, monsieur. De Paris. Oui. Toi, t'es de Paris. Oui. Ah, mamie, mais comment tu vas te faire niquer à Paris, toi? T'es parigot, toi? Oui, dans le 16e arrondissement. 16e arrondissement. Ah ouais, bah donne-moi ton adresse, tiens. Alors, je suis 22. Ouais, c'est ça, ouais. R-U-E. Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Mais pas du tout, mais je vous appelle. Rue. Non, mais attends, hé, hey, oh, c'est bon, je sais écrire. Hein? D'accord, et donc c'est Boileau, comme le poète. Boileau. Oui, comme le poète. Ouais, Boileau, comme voilà. Le poète. Voilà, c'est ça. Ouais. Non mais sérieux, t'as eu où mon numéro déjà? 118-218, monsieur Toutou Youtou. Ouais, c'est ça, Toutou Youtou. Ouais, non, Toutou Youtou, pas Doutou Youtou. Ouais, mais peu importe, de toute façon déjà, tu vois, tu m'appelles comme ça, je te connais même pas. Non, je connais pas. Bah tof, monsieur, je suis tof, je vous l'ai déjà dit. Ouais, mais tof, mais c'est pas un prénom, ça. Bah si, c'est le mien, monsieur. C'est le tien, mais tu te fous de ma gueule, franchement. Mais j'oserais pas, monsieur, enfin, arrêtez de dire des choses comme ça. Mais comment t'as eu mon numéro, espèce de bâtard? 118-218, monsieur, Toutou Youtou. Ouais, c'est ça, je suis en liste rouge, alors ça m'étonnerait. Ah bah, la preuve, je vous ai appelé. Ouais, tu m'as appelé, mais qui t'a donné mon numéro, là? Et sérieux, c'est quoi? Vas-y, ne me rappelle jamais, toi, hein. D'accord. Ne me rappelle jamais. Hein. Bah, de toute façon, là, vous avez répondu à la question, donc je vous rappellerai une autre fois pour une autre question. Ah ouais, c'est quoi ton autre question? Ah ben bah, ça, je sais pas, je peux vous rappeler demain avec une autre question si vous voulez. Eh, hey, mais sérieux. Eh, hey, mais t'es un ouf, toi. Hey, t'es un malade. Mais pas du tout, monsieur. T'es un malade. Mais pourquoi vous dites ça? T'as rien d'autre à faire. Non, j'ai rien d'autre à faire, monsieur, je suis au chômage. Tu travailles pas, toi. Non, je suis au chômage. Ah ouais? Bah oui. Ah ouais? Ouais, c'est ça, t'es au chômage. Eh, vas-y, ne me rappelle jamais, ok? D'accord. Vous préférez demain ou mercredi? Allô? Ah, il a raccroché, c'est dommage. Oh zut! On n'a pas entendu sa réponse, c'est malheureux. Faut le rappeler. Bah évidemment qu'on va le rappeler. Allez, on n'a pas fait de poutou. Ah oui, en plus, merde, on le rappelle. Allô? Oui, je m'excuse, monsieur, mais vous avez raccroché un peu vite, on s'est pas fait des poutous, on s'est pas souhaité une bonne nuit? Mais t'es un malade, toi. T'es un malade, mais pourquoi tu me rappelles, là? Bah, pour qu'on se souhaite une bonne nuit, qu'on se fasse des poutous. Eh, mais c'est quoi tes histoires de poutous? Mais tu dis, mais t'es homophobe? T'es pédé? T'es quoi? Mais pas du tout, monsieur. Moi, je voulais juste qu'on se fasse un petit câlin, on se souhaite une bonne nuit, et puis on n'en parle plus. Non, mais t'es un mec. Oui? Et alors? Ouais, eh ben, on fait pas des poutous à un mec. Ah bon? Bah, tu fais ça avec qui tu veux, mais pas avec moi, déjà. Ah, d'accord. Bon, bah, on peut se souhaiter une bonne nuit quand même. Mais même pas de bonne nuit, tu viens me faire chier là, tu m'appelles, c'est même pas quitté. Tof, c'est quoi Tof? Bah c'est mon nom. Bah c'est ton nom, mais ouais, mais c'est ça. Hé, hey, sérieux, oui. Vas-y, dis-moi qui t'es réellement. Bah Tof, monsieur, je viens de vous le dire. Non, t'es un connard qui vient faire chier le monde. Oh non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Mais c'est pas gentil, mais arrête donc tes conneries. Comment ça, c'est pas gentil? Bah oui, moi je voulais juste là qu'on se souhaite une bonne soirée, on se dit bonne nuit, on se fait un petit bisou et puis on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais non, mais franchement, arrête. T'es pas normal, toi. T'es pas normal! Bah si, enfin pourquoi je serais pas normal, monsieur? Enfin, je comprends. Non, t'es pas normal. Mais attends, mais t'es un mec, tu composes un numéro de téléphone, là, comme ça, voilà. Et tu poses des questions, comme ça. Voilà. Allez, est-ce que ta femme, elle traîne avec les seins nus? Voilà, hein, c'est ça. Comme ça, ouais. Normal. Non, mais arrête donc tes conneries. Dis-moi franchement qui t'es. Tu me connais? Bah non, on se connaît pas, monsieur. Moi, je vous dis, je m'appelle Tof. Et puis voilà, moi, je voulais juste savoir si votre femme, elle se promenait les seins nus. Vous m'avez dit que oui. Maintenant, on peut se souhaiter une bonne nuit. Mais je te souhaite rien du tout. Tu sais quoi? Tu vas niquer ta race, mon gars. Tu vas niquer ta mère jusqu'à l'os. Bah, c'est et bon. Des mecs comme toi, tu sais quoi? Il faut leur foutre une balle dans la tête. Et oh terminé. Non, monsieur, non, dites pas ça, c'est pas gentil. Non, mais arrête de faire ta tapiote, franchement. Et c'est facile derrière un téléphone. Hein. Moi aussi, derrière un téléphone, je peux faire ce que je veux, tu vois? Oui, d'accord. Hein? Mais... Ouais. Ouais, alors t'es derrière ton téléphone, là, tranquille, peinard. Hein? Tu te la pètes bien, tu te la donnes bien, hein? Mais en finalité, t'as pas de couilles, quoi. Bah, c'est pas ça, monsieur. Moi, je veux juste qu'on souhaite une bonne nuit. C'est vous qui faites. Mais je te souhaite pas de bonne nuit, putain. Je m'en fous de ta gueule, moi. Tu comprends pas? Bah, c'est pas gentil. Oh, putain, vas-y. Nique ta race. Putain, mon Dieu. Je vais lui niquer sa race à ce bâtard. Oh non, monsieur, non. Vas-y, très violent ce que vous dites. Allô? Oh, il a nouveau raccroché, il est lourd. Oh, bah zut alors. Bon, encore une fois, après, on allez, une dernière. Allez, encore une dernière. C'est pour nous, c'est moi qui régale, c'est moi qui paye. Eh, hey, vas-y, vas-y, vas-y. Eh, hey, faut que t'arrêtes. Mais faut que tu lâches l'affaire, j'ai ton numéro là. Mais pourquoi vous, voulez pas, pourquoi vous voulez pas qu'on souhaite juste une bonne nuit, monsieur? Je veux pas te souhaiter une bonne nuit, je te connais même pas. Tu te présentes là, tu dis que c'est toi, tu poses déjà une question au départ que t'as pas à poser. D'accord? Oui. Tu la connais, ma femme? Est-ce que moi j'ai parlé de ta femme? Non, mais sérieux, mec, est-ce que j'ai parlé de ta femme? Bah non, mais moi non plus. D'accord? Ta femme, moi, tu sais quoi? Je la prends, je la nique, je la viole, je la retourne et je lui fous un palais. Tu sais quoi? Mais dans le film, mais quelque chose d'énorme. Ah oui? Oui, mais c'est quand même. Ouais. Ou un parapluie, si tu veux. Ah oui. Comme ça, je vais lui faire un trou, tu vois, beaucoup plus gros que tu ne l'imagines. Ah, ça, oui. Ça te paye, ça? Bah, je parle de ta femme, là, mec. Bah oui, mais ça se fait pas trop, ce que vous dites, monsieur. Et toi, ça se fait? Ah non, parce que tu vois, toi, on peut te dire tout ce qu'on veut sur ta femme, tu réagis, ça se fait pas trop et tout ça, et puis tu me permets de m'appeler et de me demander si ma femme, elle se promène les seins nus. Non, mais attends. Bah, non, oui. Mais attends, tu sors d'où, toi? Bah, de Paris, tu monsieur. Sors d'où, sérieux? Je vous l'ai déjà dit, de Paris. Et tu sais quoi? Non. Franchement, c'est sûr que ton adresse, c'est une adresse bidon. Ah non, non, monsieur, non, c'est mon adresse. Je suis là. Ah ouais? Oui. C'est ton adresse? Oui. Ah ouais, c'est ton adresse? Oui. Vas-y. Regarde l'adresse. Vas-y, redonne-la ta rue, là. Alors, c'est... Et ton poète, là. Donc, c'est 22... Vas-y, note la rue, là. R-U-E... Attends, c'est bon. Attends, mon pote, il a eu le temps de prendre le truc, là. Vas-y. C'est bon. Allez. Donc, R... U, ouais, non, mais c'est bon, mais t'as l'habitude de faire le. T'es con ou quoi? Et donc c'est B-O-I-L-E-A-U. À Paris, dans le 16e, 22 rue. Vas-y, regarde qui c'est, cette bâtard. 22 rue. 75-016. Vas-y. Mets en. Énergie. Fils de pute. Énergie, c'est ça? Oh non, monsieur, ça se dit pas des choses comme ça, c'est très violent ce que vous dites. Non, mais c'est énergie. Bah oui, c'est énergie. Oh l'enculé, le bâtard. Non, mais t'es un ouf, toi. Et c'est qui, Toff? Bah oui, je suis Toff, c'est moi. Et attends, on n'est pas à la radio, là. Non, pas de ça entre nous, enfin. Non, mais t'es sérieux? Mais bien sûr, mais non, c'est juste entre nous, c'est pour rigoler. Trouve-moi la radio. Bon. Et je te jure, tu m'as pas mis à la radio. Mais et non. Je vais péter la honte, il m'a pas mal entendu ça. Mon Dieu, je vais me péter la honte. Bon. Vas-y, t'as pas fait ça. Mais non, j'ai pas fait ça. Allez, on souhaite une bonne soirée, à bientôt. Mais je boxe. Ah, oh, putain. Allez, au revoir. Oh non. Ah bah voilà, il est parti. Ouais. Eh bah dis donc, ouh, je pensais qu'il n'allait pas croire que c'était la radio. Tu sais, il a dit, ouais, Chicha, tu m'as donné l'adresse de la radio, pauvre con, je vais venir te tuer, donne-moi ta vraie adresse, etc. J'ai beaucoup aimé quand il t'avait proposé d'aller niquer ta mère jusqu'à l'os. Ah oui, là, effectivement, on était au top. Bon, du coup, Jazz, Julie, Jean-Claude, Sweet Game, Pierre et Jérémy, on va vous reprendre dans un instant. 01 40 71 5000 si vous voulez passer en direct à l'antenne. On va également se faire le jeu du perroquet ce soir. Si vous voulez jouer avec nous, bah, même numéro, vous nous appelez aussi. On va d'abord s'écouter le son de Kungs maintenant sur Énergie. I'm not. sur Énergie. Bonne nuit tout le monde. Mickaël, le roi de la route. Confortablement installé dans sa Mustang Shelby noire. Toff est là dans son autolib recouverte de caca de pigeon. Polo débarque dans son métro qui sent la pisse. Et Amina survole la ville sur son tapis volant. Il débarque toutes les nuits dans ta radio. Peu importe le moyen, l'important c'est d'aller au bon endroit. Mickaël sur Énergie, de minuit à 4h. Bah oui, évidemment, le bon endroit c'est ici que ça se passe avec la friterie Alba qui dit j'adore, excellent Toff, excellent. Putain, dis donc, t'es un fan, Toff. Hein. Ça y est, enfin. Ah ouais, Jessie aussi, je pleure de rire, putain, c'était tellement bon les appels. Enlin aussi, c'est un bonheur de vous retrouver à Astor, bonne pour nous accompagner pendant toute la nuit. Et Jeanne-Françoise qui dit jusqu'à l'os si vous voulez défoncer ta mère, Toff. Hein. Ma pauvre maman. Ah ouais, Marie, ce qu'on embrasse bien sûr. Elle a passé de bonnes vacances ? Très bonne. Eh ben tant mieux. Xavier qui dit salut Mickaël et toute l'équipe, bonne nuit à tous ceux qui écoutent Énergie. Ben merci Xavier. Toff qui va passer la nuit chez maman ce soir ? Oui. Ah, t'as mangé un petit pied de porc demain midi ou pas ? Non, j'ai déjà mangé. Comment ça t'as déjà mangé ? J'ai déjà mangé vendredi. Ah, t'as mangé le pied de porc vendredi ? Oui. Et demain il y a bien un repas quand même particulier. Bien sûr, bien sûr. Malice qui est une femme de goût, car je la connais un peu personnellement. Oui. C'est une amie. Je ne comprends pas qu'elle puisse. Qui est très vexé d'ailleurs. Cuire, fabriquer du porc et en faire la vinaigrette. Voilà, plus, des pieds de porc, tu vois. Des pieds de cochon. Parce que Marie, c'est quelqu'un de raffiné. Bah oui, mais visiblement pas. C'est l'exception qui confirme la règle, on va dire. J'embrasse d'ailleurs, c'est une musique. Bah oui. Bon, Jazz est avec nous à Marseille dans un instant. Avant ça, il y a Jean-Claude. T'es là, JC ? Oui, allô, je suis là. Oui, bah salut Jean-Claude. Salut. Ça alors, oui, ça va très bien et toi ? Sur. Oui. Comment ça s'appelle ? Oh mon Dieu, c'est bien grave. Énergie. RFI. Oui, énergie, bah oui. Ah voilà, c'est ça. Mon truc, localisation. Je comprends rien, Jean-Claude, de ce que tu me racontes. Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Claude ? Non, je voulais justement te parler de ce qui m'était arrivé dimanche soir, en fait. Ah oui, parce rapport à Marilyn, si vous avez déjà eu des trucs un peu ouf, genre des premiers rendez-vous qui ne sont pas du tout passés comme vous l'imaginiez. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, Jean-Claude ? Je suis sur Ablon. Je sais pas si tu connais dans le 91. Non. Ablon-sur-Seine. Non, je ne connais pas, mais voilà, maintenant je connais. Et je fais des plans cul, je fais des plans massage, hein, et puis j'ai vu toutes sortes de gars hein, incroyables, dont un que j'ai vu encore là dimanche, qui a couché avec sa mère. Ah, je te dis ça il y a longtemps, hein, c'est du passé. Attends, un mec qui a couché avec sa mère ? Je m'en vais, les gars, Mais qu'est-ce que c'est horreur ? Mais on est dans le Nord, là ? Là, je le jure. C'est pas une blague. Non, mais je veux bien le croire, mais comment ça se fait ? Enfin, comment ça se fait qu'il t'a raconté ça ? Quelqu'un qui t'appelle, que t'as un copain d'être. Un vrai fils de pute. Ah ! Écoute, qui t'appelle à l'aide, voilà, j'ai fait ça, qu'est-ce que je fais ? Tu dis quoi, toi ? Voilà, c'est tout. Tu donnes un conseil. Tout. C'est pas tout, c'est très très grave. Mais tu peux pas coucher avec ça. Ça doit se finir chez les flics, ça. Ah non, mais là, c'est même plus les flics, là. Ça se finit, là, c'est la fin du monde, là. De quoi ? Il n'y a plus rien. Bah non. Comment ça, non ? Justement. Bah non. Vous connaissez, comment ça s'appelle, les centres, tu sais, les centres de dépistage ? Ouais. Je me suis adressé déjà à eux, j'en ai parlé, c'est tout le monde dit. Non. Bah, monsieur, du moment que la dame est consentante, on peut rien. Non. Oui, mais d'aller voir un centre bizarre, de gens bizarres, dans un endroit bizarre. Je te dis que c'est vrai. C'est pas une blague. C'est ça le problème. Ben oui, moi, ils m'ont dit ça. Les gens, ils m'ont répondu, monsieur, tant que les gens, ils sont consentants, on peut rien vivre. Oui, non, mais oui, tu veux faire quoi ? Ils ont couché ensemble, c'est glauque, mais bon, après. Donc, c'est interdit l'inceste. Il y a plein de choses qui sont interdites, Ils ont une fille de 5 ans maintenant. Et quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ils ont une fille de 5 ans. Attends, pas ensemble ? Ben si, il a fait. Mais c'est pas possible ! Mais tu peux pas avoir une fille avec ta propre mère ! Mais la preuve que si. Si. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Après, elle doit pas être tout à fait. Mais elle doit être. Il doit lui manquer des bras et tout ? Non, elle en a trois. Non. On les a comptés, les trois sont là. Hein. Mais c'est pas possible. C'est la preuve que si. Mais sa mère, à quel âge ? Ah, je sais pas. Alors là, je vais pas demander. Hein. Bah oui. Ah bah oui, bah évidemment, tu voulais pas être indiscret. Jean-Claude ! Bah non, attends. Jean-Claude, c'est un des mecs avec qui tu couches. Qui t'a dit ça ? Oui. Oh, mais en plus, hein, oh là là. Attends, parce que le mec couche avec toi et après il va coucher avec sa mère. C'est tout à fait normal. Quoi. Oui, est normal, bien sûr. Non, mais c'est énorme. Mais attends, mais le mec couche avec toi, il va coucher avec sa mère derrière, donc en fait il est bi, il lui fait un gosse. Donc c'est quoi ? C'est le père, c'est le frère, c'est qui ? Bah, mais c'est son fils, oui. Non, mais c'est son frère aussi. De sa fille. C'est son mec. Oui, c'est sa fille, oui. Mais ils ont la même mère. Avec ils ont la même mère, donc exactement, ils sont. Exactement, ouais, exactement, ouais, ouais. Mais ouais, c'est pas possible, ces gens sont pas normaux, excusez-moi, c'est pas, mais. C'est pas possible, je le sais que c'est possible. La preuve, c'est que William. Oui, on est au courant, c'est non, possible. Non, mais je dis, c'est pas possible, c'est une expression, Jean-Claude. C'est, ouais, c'est juste que c'est improbable. Aussi, ça m'a fait drôle, comme on a. J'espère bien que ça t'a fait drôle. Mais à l'état civil, comment ça se passe? Parce que. Quand tu vas voir le mec à l'état civil et que tu lui dis, voilà, alors. Vous êtes qui? Je suis son frère. Non, c'est que le père. Je suis son père aussi. Comment ça? Oh, le truc. C'est bizarre, oui. Mais c'est pas une blague. Non, bah, oui, c'est malheureux, mais c'est effectivement pas une blague. Oui. Mais et tout le monde a trouvé ça normal. Bien sûr, bah, attends, Eo. Ah, ok. Tu penses. Mais tu veux. Que font les services sociaux tout, en sexe, tu trouves de tout. Hein. De tout. Non, mais face à mère, quand même. Trop, c'est. Bah, oui, bah, la preuve. Je suis bouche bée. Eh, bah, oui. Je ne sais que dire. J'avais raconté à Emina il y a longtemps déjà de ça. De quoi, cette histoire? Oui, je n'avais pas, il me semble. Tu l'appelles Emina, comme Eminem. C'est comme Eminem. La version féminin. C'est la version Amina, rap. Excuse-moi. Ouais, il y a longtemps. Hein. Mais je ne me rappelle pas. Des gens qui ont des enfants avec leur maman. Pourtant, ça aurait dû te marquer quand même, parce que c'est quand même pas un truc cool. Il y a longtemps, hein. Ouais. Ça date, hein. Ah oui, ça date, ouais. Bah écoute, merci Jean-Claude pour la petite histoire. Du coup, on va dormir en faisant des cauchemars. Bravo. Une bien belle histoire. C'est clair. Bon, bah salut Jean-Claude. Bah plus et continuez surtout. Vous n'arrêtez pas. Eh ben merci. Hein. Bah on va pas. Bon, on vient de commencer là. On vient de reprendre notre nouvelle place. Enfin notre nouvelle place. On a avancé d'une heure. On fait minuit 4 heures maintenant. Merci Jean-Claude. Ouais. Passe une bonne nuit en tout cas. Bisous. Et à bientôt. Et à tous. Salut. Ouais, ciao à toi JC. Julie, Jazz, Pierre et Jérém dans un petit instant. Salut Pierre à Paris. Comment tu vas? 29 ans. Pierre. Bon, on va le prendre dans un instant. Pierre. Jérémy, t'es là à Amiens? Oui. Ah, très bien. Salut Jérém. Alors, on parle de quoi dans quelques minutes avec toi? Alors, ben, mon pote. Voilà, il a mis en mon pote a mis son chat en cloque. Ok. Bon, ils ont eu trois enfants. C'est ça. On va parler de quoi avec toi, Jérém? J'ai un petit souci avec mon ami actuel. Ton ami, ton mec ou ton ami? Ma copine. Ah, t'appelles ça un ami, toi? Ok, d'accord. Très bien. Eh ben, bouge pas de là, Jérém. On va en parler dans quelques minutes. Ça qui est bien, c'est que les gens, bizarres. Mais on est bien. Oh là. Bah oui. On est au top. Oh là là. Allez, c'est parti. Allez, c'est bonjour madame. C'est Ken Jones qu'on écoute. Il est 2h08 au cœur de la nuit sans pub sur NRJ. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. African American. For sure, I told her, baby, come and ride the rodeo. Every time I come around, man, I go for broke. She give me desktop till I overload. Now, baby, you gon' go where you're supposed to go. Cause I ain't got time for you every day. She said she got a man, keep it on the low. I said he don't speak English, he gon' say, hey. Telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She from Africa. But she f*** me like she Haitian. Black but the miles looking Asian. I gave her the can in Kansas. I got it on tape, she on candy camera. Okay, see, I forgot we met at Oklahoma. I used to smoke Regina, she from Arizona. Then I met a girl in Cali, I never disown her. She got that high grade, her come with diplomas. I want her, but she keep telling me this and telling me that. You say once you take me with you, I never go back. Now I got a lesson that I wanna teach. I'ma show you that where you from. No matter to me. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bonjour, mara. Then she said, sabase. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. She said, pardon my French. I said, bandou ma da da. And she said, ça passe. And I said, na boule. No matter where I go, go. You know I love them all. She said, hola, come on, stop. She said, konnichiwa. She said, pardon my French. I said, bandou ma da da. I said, bonjour, madame. And I said, na boule. No matter where I go. You know I love them all. Allez, bonne nuit tout le monde, il y a Dua Lipa qui arrive et Sopra. Nouvelle équipe, nouveaux horaires, nouveaux cadeaux, nouveau studio, nouveau casque, nouveau micro, nouveau standardiste, nouvelle photo. Mickaël, Top Polo et Amina sur Énergie de minuit à 4h. Que des nouveautés. Ah non. Top a toujours une sale gueule et ça ne changera pas. Dommage. Vraiment dommage. Ouais, c'est bien malheureux. Hein. Bon, bah, qu'est-ce que vous voulez. 2h11 et plein de monde qui voulait avoir l'histoire d'Amina de Paris qui est avec nous. Hein. On a évidemment masqué sa voix afin qu'on ne la reconnaisse pas. Bonsoir, Amina. Comment ça va? Allô? Oui, bonsoir. Oui, ça va bien. Ça va. Salut, attends, parce qu'on reconnaît ta voix. Attends, on va la modifier dans deux minutes. Ne bouge pas, Amina, oui, de Paris. Là. On va prendre Jérémy en attendant. T'es là, Jérémy? Oui, je suis là. Salut, oui, Lucas. Oui, salut à toi. Alors, Jérémy, bon, qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce qui se passe? Que je t'explique mon souci. Alors, voilà, c'est ma copine qui a mis un terme à une relation de 5 ans avec son ex-copain. Ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Pourquoi tu fais des phrases compliquées comme ça? Il s'agit que son copain précédent, il a eu du mal à accepter cette choix avec elle. Et le souci, c'est que ça fait quelque temps qu'il me fait des menaces, ces menaces de mort, quoi. Donc, je me dis qu'est-ce que je pourrais faire, quoi, parce que... Bah, va porter plainte, ça, c'est pas mal, non, déjà? Bah justement, le souci c'est qu'elle ne veut pas que je fasse que j'aille porter plainte parce que madame elle retombe facilement dans les bras de ses ex. Non mais attends, je t'explique, c'est-à-dire que c'est tu n'as pas à lui demander son avis, c'est-à-dire que tu vas porter plainte, point barre. Non mais il ne l'a pas menacé, lui, c'est la meuf qui l'a menacé. Mais ça elle a déjà été posée de main courante par rapport à lui. Ouais. Et il s'agit que la personne en question, elle continue à insister. Non mais je comprends pas le problème en fait. C'est-à-dire que si un mec qui te menace, tu vas porter plainte et... C'est pas lui, c'est elle. Il menace la meuf. Et elle, c'est elle qui retourne là-bas. Ah pardon, c'est moi qui ai mal compris. Alors autant pour moi. Mais oui, donc d'accord, alors d'accord. Et alors, bah oui, mais qu'est-ce que tu... Si elle veut pas porter plainte, elle veut pas porter plainte. Hein, malheureusement, il n'y a pas... Elle l'a fait justement, mais elle pouvait pas... Elle pouvait poser que demain courante, c'est pour ça le souci. Comment ça, elle peut poser que demain courante? Oui. Bah, elle a été directement au commissariat, ils ont dit qu'elle pouvait que poser une main courante, quoi. Elle pouvait pas faire autrement, quoi. D'accord. Et si t'insistes, tu te poses une plainte, c'est tout. Oui, ça tu peux faire aussi, ouais. Oui, et du coup, je n'arrête pas d'avoir des menaces sans cesse, quoi, par rapport à ça. Et ma copine, bah, elle peut. En fait, elle fait double jeu parce que. Elle peut me donner des nouvelles pendant une semaine et puis après elle peut me donner des nouvelles pendant 2-3 jours, ainsi de suite. Bah écoute, j'ai pas de solution malheureusement, Jérémy, là, si tu veux. Soit tu mets les choses au clair avec ta copine en disant voilà, écoute, les choses, il faut que ça évolue. Donc si t'es d'accord, eh ben écoute, on va porter plainte ensemble, ou au moins on met. Non mais tu vois, tu peux poser une main courante aussi, c'est pas porter plainte, mais au moins les flics sont au courant qu'il y a quelque chose et que si jamais il se passe quelque chose, ben au moins les flics sont déjà au courant à l'avance. Après, il y a un moment, faut faire quelque chose. Tu vas pas laisser comme ça le mec faire ce qu'il veut, quand il veut, menacer qui il veut, dans toute impunité, ça, je veux dire. Et puis, sans vouloir être méchant, ta meuf, elle est un peu bizarre. Hein. Oui, j'avoue, il y a un moment, quand t'as des problèmes, t'as des problèmes et tu fais ce qu'il faut pour ne plus en avoir, justement. Justement, comme elle a perdu sa mère il y a pas si longtemps que ça, elle part totalement en vrille, quoi. Donc, elle cède facilement aux avances de tout le monde. Non, mais. Donc, Jérémy, on va se parler franchement. Lâche-la, quoi. Trouve-en une autre, une bien. Oui, on me le dit souvent, mais ben oui. je suis c'est peut-être qu'il y a une raison. Je suis trop entêté avec elle, donc... T'es entêté en top tweet? Non, t'es entêté dans ta connerie, ouais. Hein? Non mais ça va, c'est... On peut plus rire, alors ça y est, on peut plus rire, Amina, c'est fini alors. Non, on peut plus rire. Non, c'est interdit. Ah ben, on rigole plus, qu'est-ce que je te dis. Ah ben, on rigole plus, voilà, si on peut plus faire de vannes maintenant, terminé. Terminons, voilà. On peut plus rire de rien avec Amina. Alors là, c'est fini. Hein. Je déteste l'humour, je n'aime pas la joie. Ah bah. N'importe quoi. Non, mais je me suis dit, j'allais appeler pour savoir avoir des avis, quoi, parce que savoir si. Bon, Amina. Bah, moi, je pense que, enfin, je veux pas être méchante, hein, mais vous dire, vaut mieux dire la vérité, elle se fout de ta gueule, c'est tout. Voilà. En toute simplicité. Mais non, mais en vrai, c'est pas une question de t'as eu des malheurs dans ta vie, t'as perdu tes parents ou quoi. Bon, d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu vas avoir deux mecs en même temps. Bah, c'est pas qu'elle en a deux, elle en a à tout va, quoi. Donc. Voilà. Non, mais voilà. Écoute, lâche l'affaire. Jérém, c'est drôle. Moi, quand elle a besoin, elle vient me voir. Et puis après, le reste du temps, elle est ailleurs. Ouais, bah, Jérém, vire-la, c'est une cassos. En plus, c'est une profiteuse, peut-être même plus. Donc, oublie-la, la meuf, elle vient vers toi que quand elle a. T'es un bouche-trou, en fait. Et justement, la personne en question qui me balance toujours des pics, je la vois normalement demain après-midi. Ouais. Et parce que. On a besoin de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes, parce que. Elle balance des bêtises à tout le monde, quoi. Donc, elle essaie de monter tout le monde les uns sur les autres. Pourquoi tu nous appelles ? Parce qu'en fait, t'as toutes les réponses là. Tu nous dis, ouais, l'autre elle profite de moi, elle vient que quand ça l'arrange. L'autre machin, il lance des pics, il fait exprès de mettre de monter les uns contre les gens les uns contre les autres. Donc en fait, t'as toutes les clés en main là. Tu sais ce qu'il faut faire, tu sais qu'il faut dégager dans ton cercle de connaissances et voilà, tu fais le ménage. Non, mais justement, c'est elle qui essaie de monter tout le monde les uns sur les autres. Eh ben, viens là, quand on la met de côté pendant une semaine. Elle trouve le moyen de relancer à chaque fois. Eh ben coupe, change ton numéro de téléphone, coupe les ponts définitivement et l'affaire est pliée. Justement, j'ai bloqué son numéro de téléphone et puis madame, elle a des dizaines et des dizaines de comptes différents sur Facebook. Eh ben tu les acceptes pas, Jérém, enfin voyons. Non, justement, elle m'envoie pas d'invitation, elle m'envoie juste des messages. Donc, mais tu sais que tu peux configurer ça pour pas recevoir des messages de gens que tu ne connais pas. Ah si, justement, j'ai essayé de tout configurer, puis j'arrive toujours à recevoir des messages. Non, c'est que soit t'as pas configuré comme il fallait, soit parce que tu veux bien recevoir les messages et que tu veux quand même lui laisser une petite porte d'entrée. Parce que quand tu configures le truc pour que tu ne puisses plus recevoir de messages autres que des gens qui sont déjà dans ta liste d'amis, ça marche. Je veux dire, y a pas qu'avec toi que ça marchera pas, hein, y a pas de raison, hein. Sauf si, comme je te le dis, tu laisses une porte ouverte pour que tu puisses quand même au fond de toi, parce que t'as envie d'avoir des nouvelles malgré tout, soit parce que tu sais pas configurer, ça peut arriver aussi, tu vois. Message de Patrick, qu'on appelle Jackie pour l'auditeur. Oh non. Il va remettre les choses en place. Oui, je pense que Jackie aura de très bons conseils. C'est vrai. Attends, Jérém, bouge pas, justement. On va d'abord, si vous avez des conseils à filer à Jérém, même s'il n'y en a pas 150 000, hein, cela dit, vous pouvez évidemment les envoyer, enfin, nous appeler au 01 40 71 5000. Et nous avons donc Amina, maintenant, qui est avec nous de Paris, le retour. Amina. Oui, bonsoir. On t'entend mal. Oui, bonsoir. Ah voilà, très bien, parfait. Oui, alors j'appelais parce qu'il m'est arrivé une grosse merde ce week-end. J'appelle de Paris et j'aimerais des conseils. Oui, très bien. Voilà, j'avais un rendez-vous avec un mec, mais vraiment un connard, hein, on va pas se mentir. Et il a pas. C'est pas moi, hein, je précise. Avant tout. C'est marrant, on dirait une voix des, tu sais, les mecs qui veulent changer de sexe. Ouais. Peut-être. Oui, c'est Amino en fait. Ouais, je rappelle qu'Amina était en Thaïlande, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas. Hein. Bon, et donc alors. Et à propos de Thaïlande, en fait, j'ai rencontré ce mec en Thaïlande. Oui. Et donc, il est venu me voir ce week-end à Paris. Et en fait, il m'a appelé assistante tout le week-end. Et le matin, oh la honte! Il me disait ni bonjour ni merde. Il me disait va me chercher mon café, assistante. Ma vie est une blague. Voilà. Ah bah très bien. Ça valait la peine de mettre de cacher votre voix, Amina de Paris. Oui, parce que j'assume moyennement. Ah oui, d'accord, ok, très bien, parfait. Mais tu assumes cette voix ou pas? Non plus, je me sens encore plus bolos. Ah oui, c'est normal, effectivement. Bon, merci Amina de Paris pour cette petite histoire. Hein. Merci beaucoup. Et tu choisis bien tes mecs, c'est bien. Merci, dédicace à ma mère. Eh ben voilà, bien sûr qu'on l'embrasse. Voilà, très bien. Bon, Amina, on a choisi le même prénom que toi, évidemment, pour brouiller les pistes. Hein. Oui, évidemment. Ça n'a rien à voir. Non, bah non. Que les choses soient claires, évidemment, bien entendu. Bon, on va s'écouter Dua Lipa maintenant. On va revenir juste après avec, du coup, Jérém. Avec, Jackie, qui a évidemment son avis à donner par rapport à Jérém, bien entendu. Pierre, Jean-Claude, Julie, Anthony, les enfants. J'annonce, il faudra faire un tri parce que je sais pas si on aura le temps de passer tout le monde. Ah bah oui, je sais bien, si vous voulez. On est au cœur de la nuit sans pub. Les appels mal intentionnés qui vont arriver aussi, 2h20 du matin. Et puis, Dua Lipa, je l'ai promis, on se l'écoute tout de suite sur NRJ. I make him wanna sin. Every time I knock, he can't help but let me in. Must be homesick for the real. All the real estate gets. You probably still adore me. With my hands around your neck, can you feel the warmth? Yeah. my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah, is a darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Man, the answer to your prayer. Heaven, we all gotta get fed. Can't let me know I'm wanted. Can't let me in your head. I'm not here to make you kneel, but it's praise that I get. You ain't gonna walk free, boy. Not finished with you yet. No, can you feel the warmth? Yeah, as my kiss goes down, you like some sweet alcohol. Where I'm coming from, yeah. The darker side of me that makes you feel so numb. Cause I like hell to burn when I'm not, then you're by yourself. Am I the answer to your prayers? I'm giving you the pleasure, heaven, and I'll give it to you harder than hell. Harder than hell. Bonne nuit. Tu les aimes, tu les détestes, mais t'écoutes, tu entends, tu peux pas t'en empêcher, tu les adores, tu ne peux pas arrêter, t'essaies de tout stopper, c'est dur, mais c'est plus fort que toi, tu voudrais que ça se termine, mais t'es là, toutes les nuits de minuit à 4h avec Mickaël, sur Énergie, et oui, il y aura le son de Soprano non, qui va arriver aussi, et Marine aussi qui dit je me tape des barres, j'en peux plus, vous êtes vache, ça va être dur le réveil demain. Ah bah non, attends, c'est bon, le réveil, nous aussi, hein, midi quand ça va sonner. Une heure. Ouais, ou vers 13h, bon ça dépend. Radzou aussi qui dit laisse béton, il la kiffe et il aime ça. S'il la voulait, s'il voulait la tèche, il l'aurait déjà fait. Mais c'est ça en fait le truc. Il y a un message de Jus qui dit le hashtag Mickaël est un top tweet. Ah bah c'est gentil, on s'en branle, mais c'est gentil. Enfin, on s'en branle dans le sens où, je veux dire, qu'on soit pas en top 8, on fait pas de concours, quoi. Ça, je veux dire, c'est pas un problème. Ouais, mais si tu dors mieux cool. Quand même, du coup, c'est bien. Ah non, non, alors là, ça me dérange absolument pas. Non, non, vraiment pas, vraiment pas. Mais mais tant mieux, hein, c'est cool, c'est que ça parle de nous, donc ça fait plaisir après. Donc envoyez vos messages avec le hashtag Mickaël sur le Twitter, du coup, hein, pour le coup. Sinon, Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez M-I-K-L officiel, et puis le standard 01 40 71 5000. Jesse qui dit ce soir, c'est tellement bon. Bah écoute, en théorie, on essaie de faire ça un peu chaque soir. Hein. Minuit 4h, c'est les nouveaux horaires. On va récupérer. Où est-ce qu'il est Jérémy, donc il y avait un souci avec sa petite amie là, qui. C'est pas ça vraiment sa petite amie, puisqu'elle vient que quand elle a besoin de quelqu'un, et puis le reste du temps, et encore. Tu couches avec elle ou pas, Jérém? Oui. Ah, d'accord, ok, très bien, c'est déjà ça. C'est déjà pas mal. Jérémy, tu te protèges, j'espère, hein. Oh, mais quel bol. Non, mais t'es pas sérieux, Jérém. C'est ça, la meuf, elle va coucher à gauche et à droite, et toi, tu couches avec elle sans protection? Le souci, c'est qu'elle a horreur tout ça. Donc et alors Non, mais attends, c'est pas la c'est bien, parce que comme ça, au moins, avec tous les autres, t'es sûr que tu partages un truc. Ah ouais, au moins, tu partages toutes tes maladies, quoi, c'est bien. Attends, mais Jérém, mais toi, t'es vraiment t'es un mec bizarre, excuse-moi, mais c'est-à-dire que la meuf, elle te prend pour un con, elle se fout de ta gueule, elle te dit qu'elle te prend comme bouche-trou quasiment ouvertement, et quand tu couches avec elle, oh non, mais oui, je n'aime pas les capotes, bah nique sa mère, hein, qu'elle allait se faire foutre. On a moins de sensations. Bah oui, c'est vrai qu'elle a moins de sensations. Jusqu'à l'os, nique sa mère jusqu'à l'os. Voilà, non, mais c'est vrai, non, mais il faut dire les choses, faut être honnête. Oui, il y a moins de sensations avec une capote, clairement, bien sûr, c'est comme ça. Mais il y a un moment, entre ça et les maladies, je veux dire, mon choix est fait, hein. Non, mais c'est vrai! Toff a choisi. Tu prends l'exemple, c'est moi quand même... j'ai choisi la nouvelle capote de Durex, extra fine, au top. Ah bah voilà. Non, mais je prends l'exemple, c'est comme dans une voiture. Tu prends. Non, j'en peux plus, hein. Les métaphores automobiles vont m'achever. Non, mais tu vois, il y en a qui mettent des protections sur les sièges. Ouais. C'est comme ça, après la voiture elle est propre quand tu la revends. Et bah là, c'est pareil! C'est ça. C'est vrai, il a raison. Mais ceci dit, c'est pas faux, ouais. Mais oui, mais voilà. Regarde, c'est pareil, quand tu vas chez le garagiste pour pas salir tes sièges, il met un plastique. Et voilà. Bah là, c'est pareil. Et bah voilà, Jérémy. C'est pas ta meuf, donc quand tu l'utilises, mets un plastique. Sans déconner, quoi. Bon, Jérém, il y a Jackie, tu connais Jackie? Ah, un peu de poésie dans cette émission. Jérém. Oui, allô? Est-ce que tu connais Jackie qui passe souvent, un routier? J'en ai un frigo, parler, monsieur. Oui, un routier frigo. Et ben, il va te donner son avis sur ta situation, Jackie. Ouais, ça va l'équipe. Ça, ça va et toi? Bien ou bien? Ça va, tranquille. Bon gosse, on est de retour, il est 2h26 du matin. Vas-y, donc, vas-y, Jackie, vas-y. À l'ancienne, on tu peux tout donner. On est à l'aise. On est à l'aise. Bon, qu'est-ce que tu penses de l'histoire de Jérém? Ah, je sais pas, la petite chiotte, là, j'ai pas entendu son histoire, il va falloir qu'il la répète, là, parce que j'ai pas trop compris son délire, là. Bon, je t'explique, Jackie, parce que sinon on va passer la nuit. Donc, Jérém sort avec une meuf, ok? Le mec, enfin, un ex de cette meuf lui prend la tête, la menace, tout le bordel. Ils veulent pas aller porter plainte parce que la meuf ne veut pas. En même temps, au fur et à mesure de la discussion, on apprend que Jérémy, en fait, bah, c'est le bouche-trou de l'histoire. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, elle va coucher avec d'autres mecs à gauche, à droite. Voilà, elle revient que quand elle a besoin de quelque chose. Ils couchent ensemble sans capote parce que madame n'aime pas la sensation avec la capote. Résultat, bah, forcément, elle doit faire pareil avec tous les autres mecs, hein, forcément, hein. Donc, c'est quand même une source d'emmerde. Et, bah, du coup, à chaque fois, et alors, on lui a dit de supprimer son numéro de téléphone et de limite changer son propre numéro à lui pour qu'elle n'ait plus de nouvelles et qu'il n'ait plus de nouvelles. Il a dit oui, mais elle revient sur Facebook. Et donc, malgré toutes les protections qu'il y a sur Facebook, elle arrive toujours à passer. Incroyable. Ah ouais? Ah, voilà. C'est dingue. Hein. Ah, déjà, vous m'entendez là? Ouais, on t'entend. Ouais, on t'entend, ouais. Déjà, pour le coup de la capote, tu sais ce que tu lui fais à cette salope là? Eh ben, tu sais quoi? Elle te suce, tu vois, et puis quand tu sens que tu vas venir, tu l'attrapes la nuque et puis tu la plaques bien, tu vois. Tu lui craches bien au fond de la gorge. Le coup du dragon, mon gars. Elle va tout cracher par le nez, tu connais pas ça? Jackie! Ah, le coup du dragon, ça c'est fatal, mon gars. La prochaine fois, on va en mettre une capote, je te le dis. Et sinon, tu sais pourquoi on va voir ailleurs cette salope? Parce que regarde, le mec, quand il te parle au téléphone, on dirait une loque. T'entends pas comment il cause? Il y a 2 km/h là. Ouais, je sais pas quoi faire. Elle m'envoie des messages sur Facebook. Mais gars, porte tes couilles, putain, va la voir, mets-lui deux tapes dans la gueule. Non, Jackie, pas de violence. Remets-lui les idées en place. Le dragon peut-être, mais pas de violence. Non, voilà, pas de dragon non plus. Bon, Amina, reste tranquille, toi. Reste tranquille. Calmousse. Attention, là, t'étais chez Guillaume, maintenant t'es passé avec les bonhommes, alors que. Hein? On va t'apprendre ce que c'est, nous. Les bonhommes, d'accord, mais pas les barbares non plus, mollo. Non, on est pas comme ça. Dragon, coup de genou. Bon, Jérém! Attends, il a fait malaise. Putain, il est tombé dans le coma, le bordel. Oh putain, ça y est, on l'a perdu. Bon, j'espère qu'il a entendu les conseils, en tout cas, du savant. J'espère, mon pauvre vieux, parce que non, mais les gars, pour arrêter de faire les piottes avec les gonzesses, sérieux, là. Bah ouais. Vos couilles, putain, ça me rend malade. Une génération de PD qui va arriver sur le bon, c'est homophobe. Bon, Jackie, attends 2 secondes, il y a Manon qui est avec nous. Salut Manon, 21 ans, comment ça va, Dépiné? Oh putain, encore une. Ça va. Arrête! Jackie! Du calme, voyons! Salut Manon! Salut. Ça va? Ça va, et vous? Bah oui, très bien, Manon. Alors, t'avais aussi un avis à donner à Jérém? Ah ouais, depuis tout à l'heure, j'entends, pour moi, sa gonzesse, t'es juste un acquis pour elle. T'es juste le mec, okay. au cas où elle tombe en cloche, parce que pour moi... Crache-lui dans la gueule! Oh, c'est l'impression que ça me donne, tout ce que tu dis, c'est juste le genre de gonzesse qui veut juste trouver un mec pour faire un gosse Et puis toi, tu seras la bonne poire. Tu vas récupérer le nana et le gosse parce que je vois que t'es amoureux d'elle. Cela dit, Manon, sans être vulgaire ni quoi que ce soit, c'est-à-dire que si la meuf, avec tous les litres qu'elle se prend, s'il est toujours enceinte, c'est qu'à un moment elle a un problème. Est-ce qu'on peut avoir la version vulgaire avec Jackie maintenant? Non. Défonce le cul à cette femme. Non, Jackie, stop. Jackie, stop. Bon, mais cela dit, Manon, effectivement, je te rejoins. Il y a quelque chose, il y a un truc louche dans cette affaire. Ça, c'est évident. Bon, Jérém. Bon, on l'a perdu. C'est définitif. Oh, tant pis. Putain. Bon, bah, c'est pas grave. Tant pis pour Jérém. Après... J'espère que t'écoutes au moins l'émission. Par contre, je voulais juste rebondir sur quelque chose. Vas-y, tu voulais rebondir sur Jackie? Non. Ah, vas-y. Tu ne peux pas. Ouh, on t'entend plus. Jackie, arrête de parasiter le téléphone de Manon. Non, j'ai rien fait là, putain. Pour une fois, c'est pas moi, les gars. Ouais, bon, vas-y, Manon, on t'entendait pas là. T'es dit, tu ne peux pas porter plainte contre quelqu'un quand il n'y a pas eu d'acte physique. Bien sûr que si. Non, mais si, tu peux porter. Non, non. Tu peux déposer une main courante en disant voilà. Non, mais attends, oui, mais c'est pas porter plainte. C'est pas porter plainte, mais au cas où ça va plus loin, il y a déjà une trace. Ah oui, mais enfin, je te le dis, j'ai vécu moi des menaces de mort pendant plusieurs semaines et les. Ah, je peux te dire, Manon, excuse-moi de t'interrompre, mais je peux te dire que il y a jamais eu de menace physique dans les appels mal intentionnés de teuf, ça l'a pas empêché d'avoir des plaintes. Hein. Ah oui, il en a eu quelques-unes. Ah, il en a eu, hein. Il en a eu. Mais qui c'est qui veut porter plainte dans l'histoire là? C'est lui ou c'est elle? Non, c'est lui qui aimerait que elle porte plainte, mais elle ne veut pas. Quelle histoire! Ah, contre son ex là? Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ah putain, les gars, 2 mètres de corps, tout le fou dans le coffre de la bagnole. Non, Jackie. Allez, stop, Jackie, on te retrouve dans le prolong show dans un quart d'heure, Jackie. Oh là là. Bon, Manon, merci beaucoup en tout cas d'avoir appelé. Je te fais des gros bisous. On a perdu Manon aussi, décidément, ouais. Les deux. Hein, et deux. Rappelons que Jackie a quand même frappé un routier sur une aire d'autoroute. Oh, il a fini au HEPS. Ouais. Parce qu'en fait, il a tapé un routier et un flic. Arrête. C'est parce que c'est un pull à pisse. Qu'il a dit, c'est toi, Jackie, ouais, bah, c'est toi, Jackie, là, qui te la raconte et tout. Jackie l'a défoncé. Voilà. Il a défoncé le flic qui est venu les séparer. Voilà. Oh, il est très très chaud. Ouais. Ah oui, au taquet. Bon, on va se faire Sopra. On écoute, on fera les appels mal intentionnés juste après. Il y a encore du monde, hein, putain. Il y a Pierre, il y a Julie, il y a Anthony également, il y a Jazz de Marseille. Et puis, 01 40 71 5000, hein, c'est Mickaël sur NRJ. On est au cœur de la nuit sans pub, 2h32 du mat. Et on est en direct de minuit, à partir de minuit sur NRJ. Avant ma chute, j'étais vraiment riche et heureux. J'étais le plus grand conseiller des hommes, même en haut lieu. On faisait appel à mes services pour prendre malheureux. Monsieur, tout le monde signait avec moi en fermant les yeux. Sur terre, le péché est un business fructueux. Je faisais mon chiffre en vendant le désir et le feu. Oui, le malheur des uns fait le bonheur du plus véreux. J'offrais le pouvoir au portefeuille de plus généreux. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Des hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses gosses. Pris sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Non, le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Les hommes lui ont fait les poches. Lui ont pris sa femme et ses bosses. Il n'a plus d'emprise sur le globe depuis qu'on lui a pris son job. Monsieur, les hommes d'aujourd'hui ont dépassé tous mes vœux. Certains exercent leur folie meurtrière au nom de Dieu. Le pétrole est une raison légitime pour mettre le feu. Certains pays rétrécissent, mais bon, restons silencieux. Malgré sa richesse, l'Afrique a toujours un creux. La télé m'a volé l'éducation de leur morveux. Internet brûle les neurones beaucoup plus que la beuh. L'enfer n'est plus chez moi, mais bel et bien chez vous, monsieur. Mais l'époque a changé. L'époque a changé. Les hommes n'ont plus besoin de moi. Oui, l'époque a changé. L'époque a changé. J'ai tout perdu depuis que les hommes font bien pire que moi. Le diable s'habille plus en Prada. Le diable s'habille plus en Prada. Non, le diable s'habille plus en Prada. son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'élève a dépassé son maître. Oui, l'enfer est bien plus gros sur terre. Depuis que les hommes font pire que Lucifer. Bonsoir tout le monde, c'est Mickaël, on est sur Énergie, il y a Gnash qui arrive et puis il y a le Polo Show aussi à suivre. Tu peux compter les moutons. 1, 2, 3. Mais ça ne marche pas toujours. Ou bien tu peux attendre que le sommeil arrive. Tu n'arrives pas à dormir. Parfois c'est long. Long. Très long. Mais c'est mieux de ne pas insister. Plutôt que de chercher le sommeil, écoute Mickaël sur Énergie. De minuit à 4h. Bah oui, on est là justement, hein, si vous ne trouvez pas le sommeil. Et puis même si vous le trouvez, hein, rassurez-vous. Je rappelle que le podcast de l'émission sera dispo à partir de 5h30 du mat sur l'application Énergie et sur le site énergie.fr. Hein, c'est Seba, alias l'Espagnol, alias Alès, alias le Parasite, qui s'en occupe et qui l'a promis. Hein. Si jamais ce n'est pas le cas, je compte sur vous évidemment pour me le dire, pour me prévenir, puisqu'il pour a promis. Il a promis en. Mais pourquoi en fait tu payes à Toff la business et pas à moi? Non, parce qu'en fait je me rends compte quelle heure. Enfin, oui, c'est ça, mais j'ai pas compris pourquoi il a fait de la couche comme ça là. Parce que c'est Toff qui a dit qu'elle a vérifié. Bah non, c'est tous les auditeurs là. Ah non, à la base c'était Toff, on a dit. Bah on peut tous vérifier, c'est pas un problème ça. Non, mais il y aura pas de business pour tout le monde. Si on veut partir en business, voilà. arrêtez de me gratter. Être tranquille, pépère allongé, à la cool quoi. Bon, donc du coup, on compte sur vous pour évidemment balancer si à 5h30 vous n'avez pas le podcast de l'émission du jour. Podcast et le best-of complet, hein, bien entendu. Évidemment. Hein, pas juste un extrait, hein, bien entendu également. J'en peux plus, obligé de m'arrêter, c'est du lourd ce soir. Et un bisou au Pulapis, au passage, c'est Titi Reader. Timothée qui dit j'avais pari comme ça en écoutant la radio depuis un moment, il m'a tué le Jackie. Ah bah c'est Jackie, hein. Putain, le coup de dragon, il m'a plié, c'est Jessie, Amandine qui dit t'es dans la cour des grands maintenant, Amina. Oui, il est lourd. Et Jeanne-Françoise qui dit le coup du dragon, la nuit avec Jackie, c'est toujours un régal. Oh bah c'est Jackie, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Au moins, vous voyez qu'on l'a pas inventé, on l'a pas recruté, on l'a pas fait un casting. Ah c'est du 100%. C'est des purs. Voilà, c'est du 100% pur routier. Ah oui, ça, avec tout ce qu'il y a, avec qui il y a, voilà. Avec hein, la clé à molette, la graisse. Ah ouais, 100% pur Scania. Ah, c'est du routier d'origine contrôlée, monsieur. Et évidemment, qu'est-ce que vous croyez, vous? Qu'est-ce qu'on allait faire? Oui, on va se faire les appels mal intentionnés. Je prendrai Julie juste après. Appels mal intentionnés maintenant, toujours avec cette journée hier, hein, journée internationale du topless. Et donc, Toff, tu vas voir avec tes amis s'ils le pratiquent le topless? Bah oui, allons-y. Bon, on y va, c'est parti. Grâce au numéro que vous envoyez comme tous les soirs sur le mail de Toff. Donc, c'est toph@energie.com. Allez, on y va, c'est parti, on appelle. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Oui, je vous appelle parce qu'en fait, je voulais savoir s'il arrivait à votre femme de se mettre topless parfois. Pardon ? Est-ce que votre femme, elle bronze les seins à l'air de temps en temps ? À votre avis ? Bah, je sais pas, je vous pose la question. Bah, je sais pas, est-ce que tu te rabats les couilles à l'air de temps en temps ? Ah bah non, mais c'est pas pareil, monsieur. Ah bah alors, faut te faire enfermer si tu le fais pas. Bah non, mais monsieur, c'est pas pareil, on bronze pas ses couilles. Allô ? Pourquoi t'appelles en discret? Pourquoi t'appelles en secret? Bah parce que c'est bloqué dans mon téléphone, monsieur. Mais si vous voulez, je vous donne mon numéro. Pardon? Non, je dis c'est bloqué dans mon téléphone, mais je peux vous donner mon numéro. Ah, mais ça se débloque, hein. À moins qu'on soit pas intelligent pour le faire, sinon ça se débloque. Non, mais c'est parce que maman, elle a chipoté dans la box et depuis, on n'arrive plus à réafficher le numéro. Oui, bien sûr. Non, c'est surtout que parce que sinon, tu vas donner un faux numéro pour pas être repéré, pour pas qu'on porte plainte et pour pas être emmerdé, parce que t'as pas assez de coronets. Ah non. Pour venir voir les gens de face, pour leur dire ce que tu dis, de peur de te prendre une calotte de ta petite tronche. Bah non, non, monsieur, ça n'a aucun rapport. Attendez, moi je vous appelle, je vous pose une question simple, vous y répondez, puis on n'en parle plus. Bah tu vois, je t'ai répondu, je crois. On se fait des poutons, on souhaite une bonne soirée. Bah non, vous m'avez pas répondu, monsieur. Bah si, je t'ai répondu. Bah non, vous m'avez pas dit si votre femme elle faisait du topless. Eh bah, je t'ai dit. Mais non, vous m'avez parlé de mes couilles, mais ça n'a aucun rapport avec la question. Ah bah, moi je te pose une question. Oui. Est-ce que tu branles les couilles, est-ce que tu te les branches? Ah oui, me branler les couilles, oui, ça m'arrive régulièrement, hein, monsieur. Ah bah, c'est bien, t'es un grand garçon, alors faut te faire soigner, c'est que t'as un gros problème. Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que j'ai comme problème, monsieur? Je comprends pas. Bon, t'as autre chose à faire que faire chier le monde le soir? Mais je vous fais pas chier, monsieur, je vous pose une question, c'est bah vous. Bah si, tu m'emmerdes. Oh non, monsieur, dis pas ça. Bah si, tu m'emmerdes. Non, ça me vexe, monsieur, que vous me disiez ça. Ah, mais j'en ai rien à branler que ça te vexe, toi. J'en ai rien à foutre que ça te vexe. Bah c'est pas gentil, monsieur, attendez, moi je vous appelle en toute amitié et puis vous, vous êtes désagréable. Mais non, c'est pas en toute amitié, c'est faire chier le monde. Non. Pour des conneries. Non, pour monsieur. Des conneries, pour poser des questions à la con. Donc soit t'es taré débile, soit tu animes une émission de merde de taré de débile, soit t'es très con. Oh non, monsieur, aucun des trois, je suis voilà. Chômeur. Mais si, ça peut être une émission comme Coé, un truc très con, débile de merde, mais j'en ai rien à branler. Ah non, non, monsieur, je vous assure, hein, moi je suis chômeur. Hein. T'es chômeur? Ah oui. Bah ça m'étonne pas, tu vois. Ah bon? Ça m'étonne pas. Ça prouve ce qu'il y a au chômage en France. Voilà. Des abrutis qui ont rien à foutre hormis de téléphoner aux gens qui, eux, font un métier et travaillent pour poser des questions à la con puis se branler devant leur téléphone. Bah, je vous remercie, monsieur, de travailler, hein. Ah, il a raccroché. Il est parti. Merde, on va le rappeler. Allez, c'est parti, on y retourne. On embrasse Coué qu'on retrouve demain à 19h, hein, bien entendu. Hein. On rappelle. Oui, je m'excuse, monsieur, on a été coupé. Vous appelez comment? Toff, monsieur, je m'appelle Toff. C'est pas avec Mickaël? Ah non, pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle de ma chambre. On peut être entre nous. Bah écoute, vas-y, fais ton blabla. Bah non, moi, je voulais juste savoir si votre femme, elle bronzait topless, monsieur, c'est tout. Bah écoute, vas-y, fais ton blabla. Bah c'est tout, moi, je vous ai tout dit, monsieur, c'est à vous de répondre maintenant. Bah j'ai pas envie. Bah pourquoi, monsieur, c'est pas gentil? Bah parce que j'ai pas envie d'être gentil, j'ai pas envie de répondre. Ah bon. Bon bah tant pis alors. On peut se souhaiter une bonne soirée quand même, se faire des poutous. Et juste pour info. Oui. Si j'entends, ne serait-ce que le son de ma voix, sur une chaîne de radio. Oui. Et j'ai du monde qui écoute un peu tout. Oui. Votre service juridique a intérêt à être costaud. D'accord. Eh ben je vous embrasse bien fort, monsieur. Allez, je vous fais des poutous, je vous fais des câlins. Ah, il est parti. Ah, la menace qui fait peur. Heureusement, le service juridique est géré par Amina. Absolument. Aucun problème. Je tremble. Ah, nous sommes safe, hein, de ce côté-là. Même pas peur. Eh oui. Même pas peur. Julie est avec nous maintenant. On fera d'autres appels mal intentionnés dans moins d'une heure, dans leur sub, bien sûr. Et puis, retour aussi à minuit, demain. Si vous avez des numéros de téléphone à proposer, envoyez-les, bien sûr, sur le mail de Toff. C'est toph@energie.com. Julie, allô, t'es là? Salut l'équipe. Salut Julie, comment ça va? Salut Julie. Bah ça va. Bon bah bienvenue. Enfin, et vous? Eh bah écoute, on va plutôt pas mal là, tranquillement. 2h43 du mat, on est pépère. On est à l'aise, voilà, c'est ça. On est à l'aise. Dis-moi Julie, est-ce que tu cueilles des pâquerettes dans les parcs comme ça? Pourquoi? En chantant et en lançant des fleurs comme ça? Non. Ah, mais j'avais l'impression, on t'entend pas. Enfin. Bah je sais pas, sa voix me disait ça. Bon, vas-y. D'accord. Okay. Alors Julie, raconte un petit peu. Bah moi je voulais juste vous raconter en fait ma vie de merde, on va dire. Oh bah, non. Bah non, mais c'est parce qu'en fait genre j'ai trouvé mon lycée juste à 3 jours de la rentrée, donc déjà ça c'est la grosse merde. Mais non, c'est bien. Bah déjà tu as trouvé. Ouais, t'as un lycée. Ouais, enfin j'avais déjà trouvé au début des vacances. J'étais inscrite parce que moi j'habite dans un secteur paumé dans le 59. Ah t'es dans le 59. Ouais, donc, on rigole, ça va, c'est bon. Oh tu es enculé gros bâtard. Ouais, c'est ça. Attends, parce qu'on va demander quand même Virginie Sacneuf. Enculé, gros bâtard. Merci Virginie. Et donc Julie, vas-y, continue. Et donc j'habite assez loin de Lille quand même. Ouais. J'ai été acceptée à Lille dans un lycée très très sélectif. Parce que mon niveau en fait en langue était excellent. En même temps, je suis espagnole, donc l'espagnol est un petit peu ma langue maternelle. Et du coup. Comme les Espagnols, la meuf se la raconte. Ouais, je suis excellente. Et puis. Et en fait, on s'est rendu compte que je pouvais pas y aller avec les transports et tout comme ça, et je suis retournée dans mon lycée de secteur. Ah merde. En fait. Voilà. Ah bah ouais, bah ça arrive. Donc t'es juste dégoûtée en fait, c'est tout. Ouais, c'est ça. Ah, et il y a un message d'Emilia qui dit est-ce qu'elle a un frère qui est aussi son père? Non. Non, donc, d'accord. Il sera à 5 ans, donc. Oui, alors ça va, on est plutôt tranquille. Ça peut encore venir. Bah oui. ça va de ce côté-là. Bon, t'es juste dégoûtée. Bah écoute, ça arrive, Julie, c'est pas grave. Hein. Ouais, enfin. Mais non, c'est pas grave. Je suis quand même dégoûtée. Bah oui, je comprends. Dégoûté, mais je comprends, mais c'est pas catastrophique en soi. Non. Et puis t'as 16 ans, tu vois, c'est pas comme si tu pouvais t'être accepté à Harvard et que tu pouvais pas y aller parce que c'est à Boston, c'est trop loin. Ah ouais, bah oui. Non mais tu vois, là je peux comprendre, là t'es vénère, tu te dis putain, je suis accepté à Harvard, c'est quand même tellement compliqué d'y rentrer dans cette université que et je peux pas y aller parce que voilà, je peux pas me payer le billet, loger là-bas, tout ça. Là tu peux rager. Ouais. N'est-ce pas Amina ? Oui, bah absolument. Voilà. Tu sais, c'est un peu comme si tu vas louer une caisse chez Hertz et que tu sais, tu peux avoir la Porsche, on te refile, tu vois. Hein, c'est pas tu vois, tu loues une Polo, on te file une Golf, putain, je peux avoir la Porsche, je peux pas, tu vois. Voilà, c'est pareil quoi. Oui, non mais c'est sûr. Voilà, voilà. Ouais, et du 59 à Boston, ça fait une trotte. Hein. Et du 59 à Boston, c'est un peu loin effectivement. Bon, en tout cas, courage Julie, t'inquiète, c'est la rentrée, ça ira mieux l'année prochaine. Je peux passer une dédicace ? Vas-y, vas-y. Alors en fait, je voulais faire une dédicace à Guillaume parce que comme je te parle, tu sais à peu près qui c'est Guillaume quoi. Je voulais faire une dédicace à Guillaume de la 1337, voilà. D'accord, oui, parce que vous êtes nombreux, nombreuses à. C'est sur Facebook, ouais, oui. Julie. Donc, pas de problème. Ouais, c'est vrai. Bon, et bah écoute. Et tu peux me renvoyer chez Seba pour les posters. Et bah évidemment, je te renvoie chez lui sans problème. Allez, salut Julie, gros bisous, à bientôt. Salut, bisous, à bientôt. Ciao à toi, Julie. Jazz est avec nous de Marseille. Salut, Jazz. Salut, l'équipe, ça va ? Ça va, j'ai toujours un problème, évidemment, c'est que je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. Ah non, mais c'est une fille. D'accord, ok. C'est une fille, c'est écrit dans le standard. Pour ah oui, pardon. Pour une fois pardon. Que Seba a bien fait son travail. C'est vrai, autant pour moi. Mais à coup pas, it's my mistake. Voilà. Pour les anglophones, au cas où. Alors, Jazz, raconte un petit peu, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? Donc, en fait, il y a le week-end dernier, j'étais avec mon copain, dans l'appartement de ma soeur, et il me gavait, genre, il s'est exclu chez sa mère et tout. Genre, j'ai rien compris à ce que tu m'as dit, là. Tu disais quoi ? Genre, mon copain, il était chez moi, dans l'appartement de ma sœur, et genre, il me gavait et tout, genre, il prenait mes affaires, il faisait le foot, il rigolait, genre, il délivrait tout. Genre, ouais. Surtout que moi, genre, je suis, j'aime bien quand tout est rangé, genre, je suis une grosse malade mentale, sur ça, et il défait tout, mais du coup, genre, on était en train de dormir et tout sur le canapé, genre, bah, on regardait vite fait la télé. Genre, il commençait à me casser les pieds, il me jetait un coussin dessus, du coup, je l'ai fait dégager dehors. Et du coup, il a dû rentrer de Marseille jusqu'à Aix-en-Provence en taxi. Du coup, je voulais pas le voir, en fait. Mais là, il a douillé combien, là, tu sais ? Parce que Marseille, Aix, c'est pas donné, à mon avis. C'est 50 km, non ? Non, je sais pas. Non, vu qu'à la base, il habite à Toulon, mais sa mère, elle pouvait pas récupérer. Du coup, il allait chez son oncle, mais je sais pas, en fait, j'en ai rien à foutre. Une histoire de famille, ouais. Ça fait Charles Coussin quand même. Ça fait Charles Coussin, ouais, c'est vrai. Non, mais une guerre en fait, genre il est bipolaire, du coup c'est super chiant. Ah oui, mais ça après il y peut rien, il est malade, non mais c'est pas pareil. Non, mais ouais. Ah mais si, c'était c'est bipolaire, ça, c'est un problème psychologique, ouais, c'est pas, on veut pas l'être, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais c'est trop chiant, moi j'arrive, ça fait un an et demi, je suis avec lui, on peut plus. Non mais ça je comprends, hein, c'est vrai que c'est pas facile. Hein, mais c'est pas de sa faute. Des bipolaires, après c'est pas sa faute. Je dis pas que tu dois faire ta vie avec lui juste parce que le pauvre il est bipolaire. Hein, faut pas non plus avoir pitié. Mais non, c'est pas, tu sais, c'est un truc, c'est comme une maladie. Enfin c'est une maladie au final. Hein, et tu la choisis pas quoi. Tu vois, c'est pas comme ceux qui fument ou qui boivent ou qui se droguent ou etc. Ou effectivement tu peux avoir des problèmes de santé après. Eux l'ont cherché donc tant pis pour leur gueule. Mais là bon, il dit pas rien le gars quoi. Ouais, mais genre, j'ai voulu casser un moment avec lui parce qu'il y a un garçon qui me plaît, genre, il est super sympa. Et à chaque fois, genre, j'essaie de casser avec lui, de faire un truc, il me fait, je vais me suicider, tu vas voir ce que je vais me faire et tout, tu vas voir. Non, non, mais ça, c'est insupportable et dépressif. Mais oui, mais j'arrive pas à lui dire, je veux plutôt, genre, à chaque fois, il est obligé de faire ça. Bah ouais, mais bon, tu sais, après, je vais te dire, c'est peut-être méchant pour lui aussi, mais je veux dire, quand vous êtes victime de ça, il y a un moment, bon, vous essayez évidemment que ça n'arrive pas, mais il y a un moment où vous allez paniquer votre vie juste parce que le mec ou la meuf vous fait des menaces de ça. Hein, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Il y a un moment au début aussi, tu fais attention, tu dis non, je vais pas la quitter parce que si elle fait ça, la pauvre, je vais m'en vouloir. Et puis il y a un moment, tu te dis bah merde, tu vois. Il y a un moment, j'ai pas niqué ma vie ou niqué des années et des années parce que il ou elle me menace de suicider. Bon, moi personnellement, finalement, j'ai quand même quitté la fille. Ça s'est bien passé. Aujourd'hui, elle va bien, tout est nickel. Mais après, il y en a qui passent le cap. Hein, mais je pense qu'il faut prévenir aussi quelqu'un quand ça vous arrive. Et puis il faut pas laisser le truc comme ça à l'abandon. Il faut aider la personne. Et puis il faut prévenir aussi, peut-être, je sais pas, la famille ou quelqu'un, ou essayer de le ou la convaincre d'aller voir un psy par exemple et d'en parler parce que ouais, c'est quelqu'un qui est dépressif donc il pourrait éventuellement faire des conneries ouais. Mais bon, j'ai dit à sa mère, genre je l'ai dit à sa mère et tout, mais sa mère elle a dit qu'on avait rien à foutre. Genre elle s'en fout complètement sa mère. Donc, bah écoute Jazz, qu'est-ce que je te dise, moi t'es pas sa mère, tu fais pas partie de la famille, à un moment c'est pas toi qui dois gérer le truc quoi. Voilà, c'est comme ça, mais tu peux pas t'occuper des problèmes de tout le monde. Si sa mère en a rien à foutre de son propre fils,

Nobody else above you. I hate you, I love you. I hate that I want you. You want her, you need her. And I'll never be her. On est sur Énergie, passez une bonne nuit. Il est 2h55 du mat, on est au cœur de la nuit sans pub. Il y a Alvaro Soler qui va arriver. Zao, The Parakeet également. Ce sera dans, dans leur sup hein. Et puis on va se faire le polo show maintenant. 2h56 du mat, c'est le 01 40 71 5000 qu'il faut composer si vous voulez passer en direct. Ladies and gentlemen. Salut, c'est WF, comme moi, écoutez le Polo Show. Ah non, c'est le Polo Show, et c'est super. Chiant. C'est vrai, 01 40 71 5000, vous êtes dans le Polo Show, vous êtes ouais, sur l'énergie. Bonne rentrée d'ailleurs, je voudrais saluer tous mes collègues de radio là, qui ont fait leur rentrée aujourd'hui. Donc voilà, t'as c'est des super. Collègues, quoi. Ah, moi j'ai des collègues, moi bon, attends, je pèse dans le monde de la radio en Paris. Arrête, je connais tout le monde. Je connais plein de gens. Ah bon? Je dirais pas leur nom pour garder l'anonymat. D'accord, mais t'as bien raison. Ouais, c'est ça. Hashtag Mishmish, c'est Michel Aria. Voilà, merci Mishmish. Christophe et le oui tocard sont au standard. N'hésitez pas à les appeler au 01 40 71 5000. On commence avec Erwan. Ouais, je voulais saluer Micheline, mon assistante également. Eh ben très bien. Erwan! Ouais, salut Mickaël. Y'a pas de Mickaël ici. Dégage. Tom, on t'écoute. Polo, ça va ou quoi? Qu'est-ce j'ai que une veux question à te poser là. Pose. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait là, Amina, dans l'équipe? J'ai pas suivi. Ça te regarde pas, délire. Allez, dégage. Allez, quand t'as des questions intéressantes, tu passeras. Sweet Game, on t'écoute. 01 40 71 5000. Sweet Game. Monsieur Sweet Game. Ouais, il s'est endormi. Allez, dégage. Hop là, Pierre, on t'écoute. Ah, je voulais finir Jean-Bert Stargest. Allô, allô, allô, j'ai un problème avec mon sexe. Qu'est-ce qu'il a? Ben, en fait, je me suis fait piquer parce que je me suis fait circoncire il y a pas longtemps. Ouais. Et du coup, bah, moi, je suis pas habitué, tu vois. Enfin, donc, mais base, attends, Pierre, tu m'as pris pour un médecin? Dis-moi. Comment? Tu m'as pris pour un médecin? Mais non, c'était pas pour un médecin. Et toi, tu m'as pris pour un. Pour un con. Pour un con, ouais. Bah, ouais, c'est ça, exactement, t'as bien compris. Chuck! Chuck! Allô Chuck. Bon Chuck, tu réponds ou pas? Stargest, on t'écoute. Stargest. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ah, il a perdu sa voix, c'est une merde. Bon, hey, Stargest, tu réponds, tu parles normalement au lieu de faire ta timide là, ta on dirait une fille de 14 ans là, tu sais. C'est l'âge qu'il a de façon Stargest. Ouais, ouais, ouais. Bon, dégage. Ouais, c'est bon. Non, je vais te dégager vraiment, Stargest. Dégage ici. Voilà, merci. Jazz, on t'écoute. Ouais, il est où, Jackie, là? Putain, il n'y a pas d'ambiance. Ouais, il n'y a pas de. Tu t'es cru où, Jazz, là? Tu crois mais que c'est. Non, c'est mec. Tu crois qu'il vient de demander. Mais on t'a rien demandé, Jazz, t'écoutes. Mais fais bien, Jackie. Mais Jazz. Jazz, on t'a rien demandé. Mais ouais, mais ils dorment tous, c'est nul. Pourquoi c'est nul? Bah, t'as qu'à réveiller la terre entière. Si je pouvais, je le ferais. Hein. De quoi? J'ai dit si je pouvais, je le ferais. Hein. Ouais, mais Jazz, tu dis n'importe quoi. Jingle, s'il vous plaît. Ah, je peux pas, je suis en mise à jour du programme. Mais un jingle, là, oh là là, allez, on y va, là. Je suis en mise à jour du programme. 0 à 40, 71 5000, est-ce qu'on peut me charger mon standard, s'il vous plaît? C'est quoi ça? Je vais te taiser, toi, ta famille, ta mère, ton père, ta soeur, ta grand-mère, ta petite soeur, non, pas ta petite soeur, ta grande soeur! Fils de pute! Jazz! Ouais. Attends, faut que je trouve une blague là. Vas-y, trouve-moi une blague. Vas-y, Jazz, je t'écoute. Vas-y. Ouais, mais genre, elle est un peu tordue, un peu. Vas-y, un peu comme toi, mais c'est pas grave, on va faire un veille. Attends, qu'est-ce qui est grand et poilu? Je sais pas. Ah, non, mais je peux pas la dire, c'est trop violent là. Mais pourquoi tu commences une blague si c'est pour pas la finir? C'est ça. Et puis en même temps, on a eu Jackie juste avant, donc. Vas-y, Jazz. Bah, c'est une bite. Mais c'est pas une vanne en fait, il y a pas de chute, il y a non, pas de début, il y a pas de marrant genre. Ouais, non, c'est pas ni c'est pas un peu marrant genre. Là, j'en ai pas trouvé, faut que je réfléchisse. Trouve quelqu'un d'autre après. Non, je veux une blague là, tu t'es cru où là? Tu m'as promis une blague, moi je veux une blague drôle. Bah putain, mais vas-y, moi comment tu veux que je trouve ça maintenant? Eh bah démerde-toi, tu ouvres ta gueule, tu te la prends pour la rastar de je sais pas quoi. Ouais, moi il y a personne, moi Jackie, il y a personne, c'est pas drôle. Maintenant vas-y, fais-nous rire. Et s'il faut, on va rester avec toi toute seule pendant 2 heures. Je t'annonce. Non, arrête, putain. Non, arrête. Allez, vas-y, je t'écoute. Non, moi, j'ai décidé ce soir que tu vas me faire rire. Allez, on y va. 01 40 71 5000, appelez. Attends, je réfléchis. Ouais, bon, c'est une blague de merde, hein. Genre, Pêche et Répète sont sur un bateau. Qui ça? Attends, on genre, comprend rien, oh là là. Essaye de concentrer deux minutes. Je me concentre, mais c'est une blague de merde. Pêche et Répète sont sur un bateau. Pêche ton ballot, qui reste? Je sais pas. Répète. C'est nul. Mais voilà, j'avais dit, je suis pas trop forte. C'est nul, c'est nul. Ouais, on a remarqué que t'étais pas forte. Sneaker. Ouais, Polo. Ça se dit ouais, comment pote, ça va ou quoi? Je suis pas ton pote. Ça se dit comment? Sneaker, Sneaker. Sneaker. C'est bon. C'est quoi ton vrai prénom? C'est Laurent. Et bah, pourquoi tu fais appeler Sneaker? Ça veut dire quoi? Non, parce qu'en fait, je suis en train de préparer un Woodman show. Un Woodman. C'est bien ça, un Woodman show. Un Woodman show, ouais. Ouais, c'est mieux un One Man, hein. Bah, moi, pas très anglais, moi, donc. Bah, fais-nous un extrait du One Man, là. Alors, en fait, c'est un sketch. On dit que l'amour dure 3 ans. Ah ouais? Je dis, allez, plus de 15 jours à tenir. Déjà, on ne sait pas quand est-ce commence le début de notre relation. Par moi, contre, hey, ça serait bien que tu réécris. Hey, Sneaker? Oui. Bah, vas-y, vas-y, je te dirai après. Vas-y, vas-y. Donc, on sait pas quand est-ce commence le début de notre relation. Ouais. Moi, j'ai dit depuis le premier baiser. Toi, depuis que tu as fait ton premier orgasme. J'étais même pas là. C'est je nul, reprendrai ouais. Après. Ouais. Bah, je reprendrai après. Mais c'est nul, Sneaker. Ouais, mais tu verras après, ça monte en puissance. Ah ouais, ouais, bah, tu nous as pas montré que ça montait en puissance, là. Bah, parce que le set, il est un peu long, c'est normal, mais on commence gentiment au début, et après, on finit par la belle chute. Ah, d'accord. Bon, bah, Sneaker, je pense que tu devrais changer de métier. C'est mieux, non? Non, pourquoi? Si, je t'assure. Jean-Pierre, on t'écoute. Non, mais le problème, moi, c'est qu'en fait, j'ai un problème... Jean-Pierre Jean-Pierre. Allô, allô, allô. Jean-Pierre, tu parles tout seul, là, ou t'es avec nous? Tu m'entends ou pas? Je t'entends, oui. Oui, mais t'as des problèmes d'audition, peut-être. Oui, oui, oui, je suis trop vieux, c'est pour ça, c'est l'âge. Écoute-moi, parce que tu parles beaucoup. Moi, j'ai un grand souci au sexe. Dégage. Sneaker, le retour. Ouais. Alors, donc, j'étais avec l'orgasme. Déjà, la première année, tu me reproches de ne pas avoir de sentiments. J'ai déjà eu des sentiments en buvant une bonne bière fraîche. Oh putain, tu me c'est ça, attends, Sneaker, de ne pas Sneaker. Être romantique. Sneaker. Oui. Et tout le spectacle est comme ça? Bah là, c'est un stage parmi tant d'autres. Ouais, non, mais c'est ce que je te pose comme question. Est-ce que tout est comme ça à peu près? Ouais. Pratiquement, oui. Et tu voudrais pas le réécrire? Bah là, c'est parce que là, je suis au téléphone. Vaut mieux me voir rentrer, en fait. Ouais, bien sûr. Mais pourquoi c'est ta tête qui fait rire, c'est ça? Ah, y a pas allez, dégage, tu m'as saoulé. Nico, on t'écoute, bienvenue. Ouais, salut mon polo, ça va? Pas ton polo, mec. Ouais, ça va. Ouais. Bon, dis-moi, c'est juste pour réagir. Ce mec, il s'en branle, il a décidé de parler. Ouais, dis-moi, ouais, c'est clair. Ouais, bah attends, ouais, c'est quoi, je suis pas pour tes frigos, enculé. Tu vois, franchement, tu vois, heureusement qu'il y a tous les messagers qui sont là pour livrer tous vos colis. Parce que tu vois, franchement, les frigos, ils fréquentent bien qu'ils se la ferment, ça serait intéressant, ouais. Tu vois? J'ai rien compris. Ok, d'accord, super, tu dois avoir raison. Anto, on t'écoute. Ouais, salut Polo, j'ai une blague pour toi. Vas-y. Quel est le point commun entre une femme et un ascenseur? Je sais pas. Tu mets le dos et t'habites. Ah, c'est pas mal ça. Alan. Ouais, salut Polo, ça va? Qu'est-ce que tu veux? Ouais, j'ai une blague pour toi, Jackie. C'est quoi le point commun entre une femme et une piscine? C'est quoi? C'est qu'on paye trop cher pour le temps qu'on y passe dedans. C'est nul. Jazz, on y va? Ouais, mais j'ai pas trouvé de blague. Eh ben, cherche! Mais ouais, mais c'est dur, je rappelle. Oh là là là, Jean-Pierre! Ouais, non, mais j'ai un vrai problème, moi! Mais ça, on sait? Ouais, non, mais alors, moi, ce que je voudrais, c'est que tu m'écoutes 2 secondes. Vas-y. C'est que je me suis fait circoncire, et donc quand tu te fais piquer sur le gland. Jean-Pierre! Jean-Pierre, on s'en fout de ton gland et ta circoncision. Mais non, mais c'est toi qui t'en fous! Bah oui, tout le monde, non, je t'assure, tout le monde s'en fout, dégage. Heikel, Heikel! Ouais, putain, on s'en bat les couilles de sa tête de bite à l'autre, là. Et putain, de Sneaker, il est dégueulasse. Et alors, connasse de Jazz, tu connais pas une bonne blague? Écoute celle-là. C'est un homme qui dit à sa... C'est une femme qui dit à son homme, chérie, tu vas pas me voir. Et un autre, il dit, tu vas faire quoi? Chérie, quoi? Non, je t'encule. Allez, c'est marrant, on y rigole. Merci, ok, salut, Heikel, reviens quand tu veux. Saïd, le routier. Ouais, Polo, c'est Saïd. Ah, Reda, tu roules comme une pute sur la S6, hein. Alors, dépêche-toi, s'il te plaît, hein. Hein? Allez, ciao les gars. Allez, salut, ça y est, tu reviens quand tu veux. Timothée, ça s'écrit T-I-M-O-T-E-Y-T. Tu devrais rajouter des lettres à la fin, c'est pas assez l'espagnol. Last name. Pas comme ça. Timothée last name. C'est ça, tu t'appelles comme ça? Non, Timothée. Ah d'accord, ok. Vas-y. Vas-y, je t'ai vu à la télé. Ah non, ça m'étonnerait. Si, sur Arte, les erreurs de la vie. Ça, c'est drôle, Timothée. Ouais, t'as vu. C'est pas mal, hein. Ouais. T'es un peu drôle, t'es pas mal, j'aime bien. Moi, je suis preneur, j'aime bien. Ouais, moi, je suis fier, ouais. Là, t'es fier en plus. Ouais, je suis fier. Bon, bah merci, Timothée, c'est tout. T'en as d'autres, des vannes comme ça ou pas? Vite fait. Le week-end? Non, vite fait. Ah, vas-y, vas-y, fais-en-moi une autre. Ah, je t'ai vu, vas-y, vas-y. Vas-y, c'est quoi le nom de l'imchine là? Je sais pas. Tous les mêmes de Stromae. Ouais, c'est pas très drôle ça. J'ai pas aimé, Timothée, dégage. Jazz, le retour, on va conclure avec toi, je crois. Ouais, non, mais attends, mais genre, qui ferme sa gueule avec lui, qui a su faire pseudo par un singe, par un âne. Jazz. Ouais. Pourquoi tu fais la meuf agressive, c'est pas la peine. Mais non, j'aime pas genre qu'on me critique, je déteste ça en fait. Donc du coup, on me critique pas genre. On s'en fout, c'est pas important. Bon, Jazz, c'est tout? Ben non, c'est pas tout, faut que je cherche. D'accord, cherche générique par pitié. Hein? Générique. Générique. On y va. Ah bah générique. Jazz, chante. Franchement, Polo, je suis solo. Voilà, je suis solo. Mais c'est vrai, je suis solo, il n'y a personne qui chante là. Ouais, ça fait des petits pompes et tout, genre. Ouais, ça fait des petits. Ah, c'est bien. Je suis pas si sûr. J'attends, Et ben voilà, c'est pas drôle. Ah si, se termine le polo show, on vient demain. Et ben voilà, très bien, on va faire ça comme ça, effectivement. Enfin, on vient demain à partir de minuit, bien entendu. Ça sera donc tout à l'heure. Et puis là, on va se repéter l'heure sup là, jusqu'à 4h du mat avec Charlie Pousse qu'on écoutera tout à l'heure. Il y aura le son de Parakeet également. On se fera un petit chéri, je peux te faire cocu. On aura l'occasion aussi d'écouter le son de Zao. Et puis on va démarrer justement cette dernière heure maintenant avec le son d'Alvaro Soler. 3h08 du mat. On est sur énergie tranquille à la cool jusqu'à 4h du mat minimum. Sueño cuando era pequeño, sin preocupación.